l'initiative n'a pas été bien perçue par tout le monde. La mairie de Paris compte bien renouveler l'opération à une date qui n'est pas encore déterminée. Une mutinerie hier soir à la prison de Valence dans la Drôme. Les détenus dénoncent leurs conditions de vie au sein de la maison d'arrêt. Deux surveillants ont été agressés et blessés. L'une des victimes a reçu plusieurs coups de poing au visage. Des dégradations ont été commises et les prisonniers ont tenté de mettre le feu. L'ordre est revenu en fin de soirée. Les hôpitaux probablement ont ralenti aujourd'hui. Les opérations les moins urgentes pourraient être reportées. Conséquence d'un appel à la grève lancé par les syndicats des médecins hospitaliers. Le mouvement se poursuivra sans limite de durée au cours des prochaines nuits. Les déserts médicaux sont constatés dans les campagnes mais aussi dans les hôpitaux. L'intersyndicale entend rendre les établissements plus attractifs. Elle demande une meilleure appréciation du temps de travail et une revalorisation des carrières. Une visite attendue aujourd'hui, celle de François Hollande qui se rend à Calais. Il y va y rencontrer les élus, les chefs d'entreprise ou encore les forces de l'ordre. C'est la première fois de son mandat qu'il se rend sur place. Le président sera forcément interpellé par les associations qui demandent une vision à long terme dans le dossier migratoire. Le chef de l'État a promis de démanteler la jungle sans donner de date précise. Du foot avec la 7e journée de Ligue 1. Marseille prend un petit bol d'air frais en signant sa 2e victoire de la saison. L'OM a dominé Nantes 2-1 hier soir. Les Marseillais sont 13e du classement, bien loin derrière Nice, leader qui a creusé l'écart. Les Aiglons n'ont pas tremblé contre Nancy 1-0. Lille est bon dernier après une défaite 2-1 contre Saint-Etienne. Au classement donc Nice, Monaco et Toulouse. Inutile de rappeler que Paris n'est que 4e après s'être incliné vendredi soir 2-0 contre le TFC. La fin ce soir de la 9e journée de Ligue 2. Reims se déplace sur la pelouse de Brest. Coup d'envoi à 20h30. Et bien sûr, ce matin, on fera le tour des robes de stade. Ce sera à 7h et à 8h. Il y avait pas mal de choses qui se sont passées ce week-end. On parlera aussi de rugby, notamment avec le top 14. Bien vu, Rémi. Merci. Et rendez-vous tout à l'heure pour la suite et tout au long de la matinée pour le morning. Il est pile 6h du matin. Bonne journée, bon réveil. On est lundi, on est le 26 septembre et on démarre cette journée ensemble, évidemment, sur Skyrock. Ouais. Ça va l'équipe? Ça va. Allez, go. Feuille de match du morning de Difool. Entraîneur, Difool. Même Zizou lui demande des conseils. Salut, c'est Zizou sur Skyrock. Attaquant, Romano. Plus fort que Messi. Oh, pardon, non. Plus petit que Messi. Gardien, Cédric. Il avale tous les ballons. Pom-pom girl au sein nu, Carriole. Salut. Coup d'envoi du morning de Difool. The morning show. 6h-9h sur Skyrock. Bonjour et bon lundi, salut tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue à toute l'équipe, bienvenue à vous surtout. Et bon réveil, et vous ne loupez pas une minute du morning. On démarre juste maintenant, en ce lundi 26 septembre, avec un plein de cadeaux à faire ce matin. On aura les PS4 à vous filer, les iPhone 7 et vos 1 500 € toutes les demi-heures. La radio qui vous offre 1 500 € tous les matins, c'est Skyrock, ça ferait plaisir de gagner 1 500 €. Ça fait du bien, ça. Pour démarrer la semaine, comme ça. Pas facile de se réveiller le lundi matin. Vous allez voir, on va vous aider ce matin. Salut d'ailleurs Adrien qui a gagné vendredi les 1 500 €. Et on salue peut-être vous, mais vous le savez pas et nous non plus, qu'elle est gagnée ce matin. Il suffit de répondre Skyrock quand on vous appelle. C'est ce qui se passera dès 6h30. Puis n'oubliez pas les inscriptions sur le 7-20-20. Le 7-20-20, mais oui, tu le connais par cœur ce numéro, Romano. Bah j'arrête pas. Je suis sûr que tu envoies des messages tout au long du week-end avec ton téléphone professionnel que tu payes même pas. Bah ouais, jour et nuit. Parce qu'il en profite. Bon, sinon, salut Adam, bonjour à CAC du 33, à Jeff du 59, à Rafik, à Jules du 02, à Lydie. Voilà, vous êtes très actif ce matin. Vous êtes en pleine forme, vous dites donc. Bon, le réveil s'est bien passé, Carriole. Ouais, ça va. Sam, ça se passe bien sur les réseaux sociaux. Ça se passe. Pour l'instant, il ne doit pas se passer grand-chose. Mais vous pouvez envoyer le hashtag morning de Difool. Et puis sinon, pour nous laisser des messages tout au long de la matinée, le 41-759. Les pseudos que je vous lisais, c'est sur le 41-759 ou sur l'appli Skyrock. Et tout au long de cette matinée, vous nous laissez tout ça. Vous réagissez à tout ce qui se dit dans l'émission. Vous profitez, par exemple, du numéro pour jouer avec nous tout à l'heure pour la PS4. Et on jouera ensemble, même à 6h20. Tiens, petit indice. Ouais. On jouera à l'invité mystère. Bon, voilà, vous saurez au moins que c'est un invité mystère. Les autres indices, attendez un petit peu, 6h20 tout à l'heure. On jouera ensemble. Bon, sinon, ce matin, attention, s'il y a des problèmes dans la famille, si ça se passe mal avec les petits frères, les petites sœurs, les enfants, eh bien, il arrive pour nous aider. Le voici, le voilà, c'est celui qui va réveiller la France. Bonjour déjà, ça va ? Ça va, bonjour. Ça va bien, tu es Pascal le grand frère, je crois. C'est Pascal. C'est ça, c'est lui. C'est Pascal mais le grand c'est frère. C'est Pascal Souettas. C'est l'original, parce que des grands frères, il y en a partout. Attends, le vrai grand frère. Ça va, petit con ? Oh, Romano, il est gentil, te dit bonjour. Tu vas parler autrement, Pascal Souettas. C'est mignon, t'as vu ? Ouais, c'est mignon, vachement, ouais. Allez, fais-lui un bisou. Ouais, bon bisou.

la star du jour. Accueillez-la sympathiquement parce que vous avez entendu il y a un instant, c'est Pascal le grand frère. Il est content. Pascal le grand frère, c'est parti. Oui, qu'est-ce qu'il fait ? C'est Pascal. Les stars réveillent la France. Ça va, petit con ? C'est le réveil de stars sur Skyrock. Le réveil de stars de Pascal le grand frère qui va réveiller la famille de Laurent ce matin. On va voir comment ça va se passer. Tiens, regardez, il y a Jeff du 59 qui dirait qu'avec le regard de mon frère, je savais si je devais me calmer ou pas. Pas besoin de Pascal le grand frère pour toi. Très bien. Le voici, le voilà. Attention. Allez, Pascal. Il appelle qui, au fait ? Laurent. Ah, Laurent. Il va réveiller Laurent et la famille de Laurent parce que lui, il s'occupe de toute la famille. Hein. Ah oui, oui. SOS, allô, la famille a besoin d'aide. Bonjour, déjà, ça va ? Ah, bah, ça vous va. Êtes, monsieur ? C'est Pascal. Pascal. Ça va, petit con ? Ouais, c'est ça, pauvre connard. À qui j'ai affaire, là ? À la femme du petit con. Moi, je t'emmerde, espèce de connard. Je suis pas là pour que on se fasse des bisous, etc. On n'est pas là pour ça du tout. Eh bah, moi non plus, espèce d'enculé, va. Tu me fais pas venir pour rien, tu vois ce que je veux dire ? Eh bah, viens quand tu veux. Tu veux que je me présente ? Bah, vas-y, allez. Je m'appelle Pascal. Et alors ? Il y a une époque, on m'appelait le grand frère. Et alors ? Je vois pas le rapport. T'as pas de tête, c'est pas possible. Bah, si j'ai une tête. Ça commence bien, toi, hein, entre toi et moi. Ouais, mais hey, t'es pas. C'est quoi le problème chez toi ? Bah, c'est toi le problème. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder, là ? Là, il faut pas me prendre pour un imbécile, hein. Bah, c'est toi le con. Hey. Tais-toi. Bah. Commence pas à me souffler, hein. Ouais, y a pas de soucis, les branlés, vous. Hey. Me prends pas pour un jambon, pour ce que tu veux, fais attention, hein. Bah, un jambon, bah, t'es quoi ? C'est Pascal. On va essayer de faire comme ça, tu crois ? Mais tu t'hallucines, là, tu te crois où, là ? Bah, non, mais attends. Et t'as que ça qu'à faire, toi, d'emmerder les gens comme ça au téléphone ? Sujet, verbe, complément, c'est ce que ça veut dire ? Moi, je vois que non. Pourquoi ? Faire de belles phrases ? Plutôt que de faire « Ouais, allez, chétain, machin !» C'est même pas du langage, ça. Moi, je vois... Non. Pourquoi ? On va avoir un souci, alors. Ah bah, y a pas de souci, quand tu veux. T'es nerveux ? Non, pas du tout. Y a pas de problème. Je t'attends, moi, si tu viens. Je vais te péter tes dents, espèce de connard. Tu sais comment je fonctionne ? Allez, va jouer. Je suis un mec autoritaire. Et je vais te crever ta panse, moi, connard. J'ai les oreilles qui vont saigner, là. Tellement les insultes sont énormes. Eh, depuis tout à l'heure que tu dis que tu vas venir, je t'attends. Moi, je suis dehors, je t'attends, là. Ah, t'es sûr de ça ? Je suis devant chez moi, là. Ah, bah. Il faudra que je te calme, alors. Eh, espèce de connard, malgré tout que t'es indisponible, c'est bon, on va pouvoir te retrouver, mon gaillard. Eh, je te garantis que j'espère que tu travailles parce que tu vas te payer, mon ped. Tu te comportes comme un enfant de 5 ans. Donc, bon, admettons, j'espère que je vais raccrocher. On n'a pas le temps. Hein, parce que tu commences à nous péter les couilles. Non, moi, je me casse. Allez, va jouer, espèce d'enculé de naissance, bâtard. Espèce d'enculé de naissance. Eh ben, écoutez, derrière qui fait les petits commentaires. Eh ben, allez, hop. Eh, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Je n'avais même jamais entendu. Espèce d'enculé de naissance. Ouais. C'est pas mal comme. C'est aussi un truc à l'ancienne. Ouais, t'es qu'un ped. Ouais, t'es un ped. Ah, salut mon ped. Salut mon ped. Faut qu'il fasse attention quand même. Pascal le grand frère, hein, c'est pas n'importe qui. Hein. Mais je sais pas pourquoi le mec s'est énervé comme ça, parce qu'il avait rien. Non, il y avait rien. Je sais pas, il s'est fait de mauvaise humeur. C'est peut-être l'heure, l'horaire. Je sais pas. Bah, alors, on lui a passé un coup de fil à Laurent. Vous avez vu, c'était pas mal. C'était le réveil de Star, le premier de la semaine. Pour les autres, je vais te crever la panse, il lui a dit aussi. Merci Miss Stone qui a bien noté les punchlines. Notez bien les punchlines. Ah, ça, c'est un classique. Les punchlines du réveil de Star. Le prochain réveil de Star, c'est dans moins d'une heure sur Skyrock. Et dans un instant, on va jouer ensemble avec l'invité mystère. On va parler de l'invité mystère très important. Je vous ai donné quelques indices pour le découvrir. Le meilleur indice, c'est de rester bien là, juste après Nelly, vous entendez sa voix. Ouais, et vous gagnez votre PS4 sur Skyrock. Il est 6h11. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. She just moved right up the block for me. And she got the hots for me, the finest thing I'll ever see. But oh no, no, she got a man and a son though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen. Play my position like a show star. Pick up everything, mommy, and then in no time, I bet I make this with her mind. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But there's something about baby girl I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to me. Looking, I never say a word. I know how niggas start acting trippin'. I heard about the girls. There's no way, hey. Now they gon' fight over no day, hey. As you can see, but I like your steeze, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two seat. Now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said, you don't know what you mean to me. Come on. À l'époque, Romano, quand il passait ce son, ouais, j'étais peut-être même pas né. J'étais peut-être même pas né. Quand je parlais de taille, tout petit. Ah, taille. C'était Nelly et Dilemma sur Skyrock à 6h16. Bon, bah, j'espère que le week-end a été bon. On va voir pour ce début de semaine. C'est nous qui nous en occupons du début de semaine. Vous vous réveillez avec Skyrock, vous avez bien raison. Dans un quart d'heure, on vous offre 1500 euros. Si vous répondez Skyrock quand on vous appelle, inscrivez-vous au 7-20-20. Hein, vous inscrivez maintenant, on peut vous appeler dans la matinée. Là, faut envoyer 1500 au 7-20-20. Oui, ouais. Tu peux pas faire un petit silence, Romano, que je fasse un truc solennel. Silence. Silence. Okay. Dans l'assistance. Voici donc le conseil que je vous donne au 7-20-20. Vous envoyez 1500 et peut-être qu'on vous tirera au sort tout à l'heure. Bon, oh, ça vous a plu le son. Je vois plein de messages que vous laissez depuis tout à l'heure. Bonjour à Raph, bonjour à Adriano, bonjour à Blue El Ritano. Attention, attention. Dilemma, ça vous a plu. On a d'autres sons qui arrivent avec dans un instant The Weeknd, le nouveau The Weeknd avec Daft Punk que vous avez découvert sur Skyrock la semaine dernière. Starboy. Et puis avant ça, du Soprano et surtout notre super invité mystère. Allez, c'est parti. Allez, on y va. L'invité mystère. L'invité mystère. What? Ouais, l'invité mystère qu'on va retrouver tout de suite sur Skyrock. Attention, attention, il va vous dire bonjour. Écoutez bien sa voix, c'est lui qu'il faut découvrir pour gagner votre PS4. Hello. Quelle voix sensuelle, mec. C'est un américain. Oui, et bien, bien joué, Romano. Voilà, déjà un indice, c'est un américain. Hello. Hello, l'invité mystère. Qu'est-ce que je peux vous donner comme indice? Au niveau capillaire, il est pas du tout comme Romano. C'est-à-dire qu'au niveau des cheveux, c'est le contraire de toi, tu vois. Il en a plein.

6h à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Il est 6h23 sur Skyrock. Bonne journée. J'espère que le week-end a été bon. Le début de la semaine, comme je vous l'ai dit, c'est nous qui nous en occupons. Et on vous offre ce matin, eh ben vous en avez de la chance, votre PS4 pour bien démarrer la journée à 6h22. Enfin, il y en a un qui a surtout plus de chance que les autres. C'est celui qui a été le premier à nous laisser la bonne réponse. C'est Philippe en direct de Lyon avec nous. Salut Philippe. Salut Teki, salut les foules. Comment salut, ça va Philippe. Ça va bien, salut. Philippe. Ça va et vous, ça va. Bah, nous, ça va. Toi, t'as l'air d'être en train de te réveiller. Tu vas me dire, on est là pour ça. On vous réveille tous les matins sur Skyrock. Hein. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais, c'est nickel. Eh ben, écoute, c'est nickel. Affirmatif. Un réveil avec une PS4. Avec la PS4. Grâce à la réponse que tu nous as donnée, on va écouter la voix de l'invité mystère. Écoutez comme il est sexy. C'est pour vous, les filles. Hello. Hello. Imaginez-vous, wow. Vous êtes avec lui, il est dans le lit et il vous fait. Hello. Alors, vous vous dites, ouais, mais c'est qui? Eh ben, c'est qui? Philippe, là, c'est à toi. C'est à toi, Fifi. Eh ben, il s'agit de Donald Trump. Donald Trump, ben effectivement, quel beau gosse. Eh oui, Donald Trump, vous savez, peut-être le futur président des États-Unis, le mec qui a plus de cheveux que Cariol, moi, Sam, Rémi n'a pas beaucoup, Romano n'a pas du tout. Ouais. Il a plus de cheveux que toute l'équipe réunie ce matin. C'est Donald. Donald Trump. Mais moi, ses cheveux, ils me font halluciner, hein, le type. C'est quand même un truc de fou. Mais pourtant, c'est pas une moumoute. Hein. J'ai l'impression qu'il est allé en safari en Afrique et qu'il a volé ça à Lyon. Ah, je sais pas où il les a pris, mais. Ah, il a rasé un lion et il s'est mis les cheveux sur la tête. Non, mais il se fait des couleurs, il se fait des décolorations. Hein. Ah, ça, c'est possible parce qu'il est blonde décolorée quand même. Ouais, blonde pipe. Voilà, Donald Trump, peut-être le futur président américain. On parle de Donald Trump parce que ce soir, il y aura le grand débat, enfin, cette nuit, à 3h du matin, le grand débat entre Donald Trump et Hillary Clinton. Ouais. Alors, Hillary Clinton, elle ressemble à une extraterrestre. Bon, j'espère qu'Hillary Clinton ne va pas nous faire un malaise. Et Donald Trump. Oui, c'est vrai. Et Donald Trump, lui, il ressemble à un type qui serait allé chez le coiffeur, mais au zoo. Oui. Ah ouais, c'est ça. Il a, quoi. Il a le même coiffeur que les lions. Mais il boit, non, ce mec. Ah bah, il paraît qu'il a jamais bu une goutte d'alcool de sa vie. Non, heureusement, parce qu'avec les nombres de conneries qu'il dit, si en plus il buvait de l'alcool, imagine ce que ça donnerait, Romano. Non, mais physiquement, il a l'air imbibé quand même. Oui, mais mentalement, il était également assez abîmé. C'est le mec qui veut construire un mur, tout ça. Ouais, c'est ça, qui a plein d'idées sympas. Qui a plein d'idées sympas. Vous savez qu'il a déclaré récemment qu'il avait une grosse bite, mais lors d'un meeting. Oh bah, tranquille. Oui, en plein milieu d'un meeting, il a dit qu'il avait une grosse bite, qu'il avait de petites mains, mais que tout n'était pas proportionnel et qu'il avait une grosse queue. Ah bah très bien, bah on est content de le savoir. C'est ça le nouveau président américain. Il a déclaré ça lors d'un débat pour ses primaires à lui. Et pendant ce temps-là, Hillary Clinton, elle tombe dans les pommes. Et pendant ce temps-là, Hillary Clinton, elle fait des malaises. Ouais. Voilà, c'est ça, son psyché, il a été la porte et la pousse dans le van. Eh bien bravo, on peut te dire bravo Philippe, parce que tu as gagné ce matin, tu as gagné ta PS4, allez Slim, à toi. Ouais. Merci les gars, super. Bravo. Top. La Slim. Ouais, bravo. Il y en a plein à qui ça fait envie dans l'équipe, ils l'ont même pas la PS4, c'est bien fait pour eux. Grâce à Donald Trump, tu gagnes, Philippe. C'est vrai, tu pourrais dire que grâce à Donald, tu vas aller voir tes potes, c'est la classe. Grâce à Donald Trump, je gagne. Oui, Rémi, tu voulais dire quelque chose. Ah, Rémi, Trump, c'est un ouf. Rémi, fervent supporter de Donald Trump. Non, je déteste Trump. Rémi est américain et votre Donald Trump à la présidentielle. La team Trump France. Non, il a dit il y a quelques heures que pour le débat de ce soir, il va inviter l'ex-maîtresse de Bill Clinton. Devant Hillary Kalivinsky. Non, une autre. Qu'on ne connaît pas, tu vois. Il a la classe, Donald Trump. Bon, bah écoutez, on verra tout ça. Et puis j'espère qu'il va nous en faire de belles cette nuit. Comme ça nous fera des conneries à dire demain c'est matin. Clair. Donald Trump pour notre invité mystère ce matin. Le futur. C'est comme si Sarkozy ou Hollande déclaraient qu'ils avaient une grosse bite. Ouais, c'est ça. Bah peut-être, on sait jamais. Hein. Imaginez, peut-être pour les prochaines. C'est vrai. Il va y avoir des primaires. C'est vrai, peut-être que pour les primaires, ils vont déclarer. Il va y avoir des révélations. Oui, bonjour, j'ai une grosse bite. Une grosse bite plus grosse collante. Voilà. Allez, pour moi, votez pour ma grosse pite. Ah bah nickel. Et voilà. Bon bah bonne journée à toi Philippe. Allez. Merci à vous aussi. Va bosser à la douche et bon réveil à la douche. Romano, t'as oublié ce matin, dis donc. Non, pas ce matin. Ouais, non mais je vois que tu es pas très. Je suis réveillé un peu en retard. Pas très douché. Bon bah vous ne vous réveillez pas en retard. Il est bientôt 6h30. Il faut pas se réveiller en retard pour les 1 500 € qui arrivent dans un instant. Enfin, faut au moins que le téléphone soit branché, que vous l'ayez à côté de vous. On vous appelle, vous répondez Skyrock et c'est 1 500 € dans la poche. C'est pour vous. Après le son que je vous avais promis, son de The Weeknd. Sur Skyrock. The Weeknd et les Daft Punk. The Weeknd Daft Punk. Ça s'appelle Starboy. Son qu'on a découvert la semaine dernière dans le morning, où on l'avait passé à 6h du matin, je crois que c'est jeudi ou vendredi matin. C'est ça. Eh ouais, est-ce que Skyrock? I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamb just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main bitch out of your league. Side bitch out of your league too. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. causing any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star, boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star, boy. Every day a nigga try to test me, yeah. Every day a nigga try to end me, yeah. Pull off in that Roadster SV, yeah. Pockets overweight and hefty, yeah. Coming for the king, that's a far cry. I come alive in the far time, I. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, sun, bump a new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. I switch on my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star, boy. Look what you done. I'm a motherfucking star, boy. Let a nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you done. Skyrock, c'est la radio qui vous a fait découvrir The Weeknd. The Weeknd et les Daft Punk sur Sky, le tout nouveau à 6h30. Ça, c'est super, The Weeknd. Et le retour des Daft Punk en même temps, vous imaginez, deux cadeaux en main. Eh ben voilà. Et ouais, c'est Skyrock le matin pour le réveil. Avec 1 500 € à gagner dans un instant, 1 500 € pour vous. Si vous répondez Sky, qu'est-ce qu'on écoute, Romano aussi? Major Lazer. Ah, ça c'est bien aussi. Major Lazer qu'on va retrouver, le nouveau. Qu'est-ce que j'ai prévu? Moi j'ai prévu un petit Drake. C'est marrant, on arrive tous avec nos disques le matin. Ouais. Voilà, t'es arrivé avec tes sons. Moi je suis arrivé avec mes sons, avec le son de un petit Alonso aussi dans une demi-heure. Ça vous va? Ah, c'est bien, Binta. Donc du Alonso, du Binta, ouais. Du Drake, du One Dance. Du Major Lazer avec Coldwater. Et puis peut-être Rihanna qui viendra nous rendre une petite visite. Ah, sexy Rihanna, beaucoup plus que Rémi, hein, mais bon. Ah ouais, c'est clair. Chacun son truc. Bon, hein. Je suis pas d'accord. Et puis t'es pas là pour être sexy, t'es là pour les infos, Rémi, déjà pour la météo. Je fais les deux, les gars. La sexitude de la météo pour aujourd'hui, eh ben ça dépend où vous êtes. Plus, ouais. Plus vous êtes vers l'ouest, mieux c'est. Moi, vous êtes vers l'ouest, moi c'est. C'est vrai, mais bien. C'est quand même agréable, on peut le dire. On a du soleil presque partout. C'est vrai qu'on a un petit peu de grisaille ce matin, dans le nord-est, notamment en Alsace, en Franche-Comté, mais ça ira mieux cet après-midi. Au final, c'est le retour du soleil pour tout le monde. Les retours, ouais, les températures ce matin comprises entre 8 et 18 degrés, 12 en région parisienne de 20 à 27 cet après-midi. Et puis la pollution, c'est nickel. Les indices compris entre 3 et 4. Ça monte tout juste à 5 en Corse, sur Bastia et Ajaccio. Et on fait le point sur l'actu pour tout savoir avant vos 1 500 €. C'est Rémi, l'actu et le sport. Une mutinerie hier soir à la prison de Valence, dans la Drôme. Les détenus dénoncent leurs conditions de vie au sein de la maison d'arrêt. Deux surveillants ont été agressés et blessés. L'une des victimes a reçu plusieurs coups de poing au visage. Des dégradations ont été commises et les prisonniers ont tenté de mettre le feu. L'ordre est revenu en fin de soirée. Deux Niçoises de 17 et 19 ans interpellé et placé en détention. L'arrestation date de la mi-septembre, mais on ne l'a appris qu'hier via Le Parisien. Les jeunes femmes étaient en contact avec Rachid Kassim et auraient eu un projet d'attentat. Elles ont expliqué en garde à vue avoir pris peur et faire machine arrière. L'une des deux prévenues était déjà dans le radar des autorités. Elle s'apprêtait à rejoindre la Syrie pour y faire le djihad. La moitié de Salon de Provence privée de courant hier pendant une dizaine de minutes. Deux adolescents sont montés sur un pylône électrique. L'électricité a été coupée volontairement pendant les opérations. Les deux jeunes hommes sont grièvement blessés mais conscients. Une heure et demie sans pub qui pourrait bien changer le cours du monde. C'est la nuit prochaine qu'aura lieu le très attendu débat de la présidentielle américaine. Hillary Clinton pour les démocrates, Donald Trump pour les républicains qui seront face à face pour la première fois. Erreur interdite pour les candidats puisque 100 millions d'Américains sont attendus devant leur petit écran. La préparation a été différente des deux côtés. Simulation de débat pendant un mois pour Clinton alors que Trump lui préfère l'improvisation. Bien évidemment, les sondages seront scrutés à la loupe dès demain. Du banc de touche au banc des prévenus, c'est aujourd'hui qu'est jugé Serge Aurier au tribunal. Le défenseur du PSG est attendu au tribunal correctionnel de Paris pour être jugé pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'affaire avait fait grand bruit, c'était en mai dernier. L'international ivoirien aurait refusé de se soumettre à un contrôle après une soirée en boîte. Il s'était énervé, il aurait mis un coup de poing, un coup de coude à un policier avant de passer 24 heures en garde à vue. Une version que conteste bien sûr Serge Aurier qui affirme avoir été frappé par la police à la lèvre et au front. Du foot toujours, mais du foot sur le terrain avec la fin de la 7e journée de Ligue 1. Et Marseille qui prend un bon bol d'air frais en signant sa 2e victoire de la saison. L'OM a dominé Nantes 2-1 hier soir. Les Marseillais sont 13e du classement, bien loin derrière Nice, leader qui a creusé l'écart. Les Aiglons n'ont pas tremblé contre Nancy, 1-0. Lille est bon dernier après une défaite 2-1 contre Saint-Etienne. Au classement donc Nice, Monaco et Toulouse. Inutile de rappeler que Paris n'est que 4e après s'être incliné vendredi soir 2-0 contre le TFC. Un premier titre pour Lucas Pouille, le joueur de 22 ans. TFC, on dit, quand on est un vrai footballeur de Toulouse. Moi, je vois un TFC. TFC. Ouais. Bah ouais, mais t'y connais rien. Romain, donc on dit TFC. Dis-lui qu'il connaît rien. TFC. Allez-y, les Toulousains, dites-lui donc le TFC. On dit aussi Café C. Si tu veux, voilà, vas-y, va passer pour un combat au Café C, manger un poulet, tiens. Un premier titre pour Lucas Pouille, le joueur de 22 ans, est considéré comme l'avenir du tennis français. Le nordiste a remporté le tournoi de Metz contre l'Autrichien Dominique Thiem, 10e joueur mondial. Victoire en 2-7, c'est 6-6-2. C'est une bonne question, pourquoi on dit TFC, hein? Ah, TFC, ça avec l'accent. C'est les Toulousains. Si vous savez, dites-nous les. Il connaît rien, Rémi, enflure, message de Rafik. Je demande des messages et j'arrive déjà. Vous êtes super le matin. Le reste de la journée aussi. Merci Rémi, on t'entend tout à l'heure à 7h, puisqu'il est 6h34. Pour la suite, et on fera le tour des championnats européens avec toi. Ouais, c'est ça. À tout à l'heure. Allez, lundi matin, premier rendez-vous des 1500 euros. C'est maintenant, bonne chance. Check, check. Dès 6h. C'est que le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est des conneries à la radio. Soit. C'est le morning de Default sur Skyrock. Ah non, les 1500 euros, c'est pas des conneries, mais c'est à la radio. Sur Skyrock, la seule radio qui vous offre 1500 euros toutes les demi-heures, eh bien c'est Sky. Et c'est peut-être la première gagnante que j'ai entre les mains. Enfin, c'est pas elle que j'ai dans les mains. Hein. C'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe avec son numéro de téléphone. Gagnante ou gagnant d'ailleurs, on va voir. Hein. Qui a gagné vendredi, garçon ou fille? La semaine dernière, je crois qu'on a eu plus de filles que de garçons. Adrien a gagné la Garenne Colombe. Bravo Adrien, donc ça. Un garçon. Non, c'est une fille, carrière. Mais oui, voilà. Ah, mais vraiment, hors toi et Rémi, mais qu'est-ce que vous avez ce matin? Vous êtes complètement perdus les deux, là. Et ouais, non, Adrien, qui a gagné vendredi. Deux filles, un garçon, jeudi. Un garçon, une fille, mercredi. Et mardi, un garçon, une fille. Et lundi, deux garçons. Ah non, majorité de garçons cette semaine. Ah bah, contrairement à la semaine dernière. Eh bah, on va voir. Ça y est, les gars. On a repris le dessus. Ouais. Bon, les compteurs sont à zéro pour les 1500 euros de cette semaine. Allez, j'ouvre l'enveloppe. Et toi, dans un instant, tu vas nous parler, Romano, des conseils pas chers de ce matin, les premiers qu'on va retrouver. Attention. Et on va parler d'un grand trafic à plusieurs... millions d'euros. À plusieurs millions d'euros. Wow. Plusieurs millions d'euros, attention. Le rêve pour toi dans les conseils pas chers. Formidable. Bon, alors, un trafic à plusieurs millions d'euros, ça concerne des médicaments. Ouais, c'est ça, ouais. Vous avez déjà été allergique à un truc ou pas? Pénicilline. Moi aussi. Le pénicilline, tu es... La pénicilline. Non, c'est le pénis, mais tu ne connais rien, Cariolde. Décidément, ils ne disent que des conneries ce matin. Non, mais rien à voir avec le pénis. Non, c'est un truc pour les... Quand ouais, malade. Genre, y en a dans les trucs pour la tête, par exemple. Les trucs pour la tête. Non mais genre l'aspirine, des trucs comme ça, je crois. Ah, je croyais que tu parlais du shampoing, Romano. Très bien. Non. Bon, allez, on y revient dans un instant, mais on va pas parler de pénicilline du tout. Allez, dis-nous, on va parler de Viagra. Hein. Allez, le Viagra. Ah. Allez. Le Viagra à l'honneur, une matinée très chaude. Attention, hein. Gros trafic démantelé. Oui, et puis un sondage, le sondage du morning qu'on retrouvera juste avant 7h. Eh bien, sondage du morning, on va parler des lieux où les Français font l'amour. Absolument. Mais on en reparlera tout à l'heure, on aura besoin de vos témoignages. Allez, 41-759 pour vos messages. Et attention, rendez-vous maintenant. J'ai ouvert l'enveloppe, je sais où on va aller pour les 1500 euros. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning show. J'ai fait monter le suspense, c'était là. Mais alors, il appelle. Oui, on appelle. C'est Cariole, tiens, prends voilà le numéro. Le numéro de quelqu'un qui habite dans le 16. Ouais. On file à Soyo. Le 16, c'est du côté de la Charente, je crois. C'est ça. Hein, quel bravo, Romain. Tu dois être Angoulême, ces coins-là, quoi. Tu aurais pu être prof de géo, toi aussi. Oui, c'est sûr. On va chez Nathalie Delia, comme celle qui fait la météo à la télé. C'est ça. C'est ça. Evelyne Delia. Non, moi, c'est Nathalie. Peut-être la fille, la tante, la sœur. C'est parti chez les Delia. Vous savez comment il faut faire pour gagner, hein, pour être Skyrock dès qu'on vous parle radio au téléphone. Allô, allô. Oui. Bonjour, Nathalie. Oui. Oui, bonjour, Nathalie. Tu es Nathalie Delia, toi. Oui. Est-ce que je pourrais avoir la météo, s'il te plaît? Bon, non, c'est pour rire, c'est pas pour la météo qu'on t'appelle. Non. On t'appelle pour t'offrir 1500 euros, Nathalie. On est en direct à la radio. Oui. On a 1500 euros pour toi. Si tu me dis quelle est ta radio préférée, si tu as la bonne, le chèque, il arrive directement. T'es à côté d'Angoulême, toi, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Directement oui. À Soyo. Alors, Nathalie, quelle est ta radio préférée? Oh là là, il y en a beaucoup de radios. Oh là là, mais il y en a un paquet. Hein, ça, il y en a un paquet. Oh là là là là là. Mais il y en a qu'une seule qui offre 1500 euros toutes les demi-heures, tous les matins. D'accord. Je peux téléphoner à mon fils pour lui poser la question. Ah, tu veux téléphoner à ton fils en direct? Oui. Bon, bah écoute, ah, mais dépêche-toi alors, hein. Non, je ne sais pas. Tu mets le haut-parleur sinon, hein. Oui. C'est l'appel à un ami, comme donc qui veut gagner des millions. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est oui. Vrai, on devrait rajouter ça, Romano, oui, c'est une bonne idée. J'appelle à un ami. Alors, je choisis l'appel à un ami. Bon, la petite idée, Nathalie. Bon, allez, je vais dire Fun Radio. Non, c'est pas ça. Non. Désolé, ce n'est pas Fake Radio. C'était Skyrock au téléphone. Mais oui. Ah, bah, j'ai hésité entre les deux. Mais ah, oui, merde, bah, voilà. Il fallait choisir la meilleure, ma chérie, Nathalie. Bon, bah, mais tu... oui, mais voilà, j'ai pas le temps d'écouter trop la radio. Donc voilà. Et bah, c'est pour ça, autrement, tu seras avec nous tous les matins. Branche-toi sur Skyrock, tu vas voir, c'est comme une drogue. Mm-hmm. Oui. C'est comme le petit café du matin. On ne se réveille plus en Skyrock une fois qu'on s'est réveillé avec nous. Oh là là, désolé. Bon, on te fait un gros bisou, Nathalie. Dis-le pas à ton fils. Et il va faire la gueule. J'allais travailler pour gagner 1500 euros. Voilà, exactement. Il n'y a pas le choix, ouais. Bah écoute, on fait comme ça nous aussi en attendant qu'on nous appelle. Merci beaucoup. Bonne journée. Bisous Nathalie. Ciao. Ciao Nathalie. Salut Nathalie. C'est vrai qu'elle aurait dû faire l'appel à un ami, Nathalie. C'est vrai. Mais bon, on n'a pas encore instauré ça dans les 1500 euros. Prochain rendez-vous pour les 1500 euros, c'est dans une demi-heure. Même pas une demi-heure. On vous appelle, vous répondez Skyrock et c'est dans la poche, 6h39. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Le réveil. Et les conseils pas chers de Romano après les gens les heures. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. Sometimes, you know, it's how we learn and how we grow. And I wanna lay with you till I'm old. Oh, you shouldn't be fighting on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold water for you. To different places, I will still be patient with you, and I hope you know I won't let go. Slow, I'm all alone. And I- Justin Bieber. C'est lui qui chantait sur ce morceau. Et Major Lazer, Bieber, Major Lazer. Sur Sky Rock. C'était Cold Water. Voilà, bon, on arrête de parler anglais, c'est compliqué. Le nom de la radio est en anglais, les morceaux sont en anglais. Heureusement qu'il y a Alonso qui arrive tout à l'heure. Hein. Oui, là, les conseils pas chers, je vous les fais en français. Hein. Exceptionnellement. The conseil not expensive. Ah, rien. Yeah. Not expensive, c'est pas cher. On va parler du Viagra ce matin. Alors, qui a déjà testé le Viagra? Moi, j'ai jamais testé le Viagra. J'ai des potes qui l'ont fait, il paraît que c'est efficace. Hein. Moi, j'ai pas besoin de soie pour qu'elle soit bien raide. Bah, moi, c'est pareil, Romano. Je me suis dit, mais à quoi ça sert? Bah, si, je pense qu'arrivé à un certain âge, quand la machine a du mal à démarrer, bon, ça aide au démarrage, quoi. Donc, c'est un truc pour papy, mais il y a plein de mecs qui l'ont fait. Dites-nous si vous avez déjà testé le Viagra. Hein. Ouais, bah, moi, perso, non. Moi, non mon plus. Père, il avait testé, moi. Le papa de Romano est un chaud lapin, vous entendez ça? Non, mais il avait testé parce qu'il avait eu un truc, une opération, et le médecin lui avait dit, tiens, je vous en donne. Ouais, je vous en donne, vous allez voir. Regardez, du béton. Regardez la mienne comme elle est depuis ce week-end. Le médecin, il a sorti sa queue et bam. Tu vois, regardez, je peux casser le mur en deux. Voilà, et bam. Non, non, mais il avait testé, c'était l'autre marque, le Cialis, mais a priori, ça envoie, quoi. Ah ouais? Ah ouais, ça envoie. Ah là, il avait un... Mais genre, tu prends la pilule, juste après, bzzzt, ça monte. Ouais, mais c'est mécanique, hein. Et après, ça reste bzzzt. Ouais, quoi, ça reste. Au bout d'un moment, ça redescend quand même. Mais écoute, tant mieux. Mais a priori, t'as, comme on dit, vulgairement, t'as une sacrée bonne gaule. Mmh. Bien raide, bien dur. Ah ouais, je vois que Carayol, ça lui a mis l'eau à la bouche, donc. Hein. Oh, bien raide, bien dur. Ouais, bah, comme ça, elle te dit ça. Bon, attention au Viagra et attention à tout ce que vous achetez sur Internet. Si vous achetez des médicaments sur Internet, non, mais faut pas. Soyez hyper prudent. C'est de la merde. Et si possible, ne le faites pas. Ouais, parce non, mais c'est de la merde. Oui, tu peux le dire, Romano. Raconte-nous ta petite histoire. Voici un gros trafic qui vient d'être démantelé. Le trafic au faux Viagra. Bah, c'est la parce que je sais qu'il y en a qui l'achètent sur les. C'est la police polonaise. La police polonaise. Elle travaille bien. Elle vient de démanteler l'un des plus grands trafics de faux Viagra sur le continent européen. Ouais, donc chez nous. Plusieurs millions d'euros. Et ça te fait rêver, Romano. Hein. Ah, bah c'est clair. Ah, plusieurs millions d'euros. Ils sont carrément tombés sur une usine clandestine de Viagra. Magnifique. Et le problème qu'il y a, c'est que le Viagra, qu'ils fabriquaient, la dose, elle était 300 fois supérieure à la dose recommandée. T'en as pour ton argent. Ah, ah bah oui, c'est clair. Ah, tu prends une pilule, mais t'as la gaule pendant 30 jours. Ouais, c'est ça, voir, tu ne débordes plus jamais. Oui, voilà. C'est compliqué pour aller faire pipi après. Bon, j'en ai récupéré un peu. Pour mettre un jogging aussi. Hein. Tu as récupéré du faux Viagra. Ouais, et je vais aller le proposer aux familles. Très bien. C'est les familles qu'on appelle, a priori, elles sont un peu. Oh, les pauvres. Donc, mais on va dresser le matos. Elles sont comment? Oh là là. Et grâce au Viagra. Oh Allez, c'est parti. Tu cherches ton portefeuille? Regarde dans les poches de Romano. Les conseils pas chers sur Skyrock. Oui, c'est l'endroit où il y a le plus d'argent. Les poches de Romano, à surveiller. Bon, on appelle donc des Français, tu leur vends du faux Viagra. Faites attention aussi aux mecs qui vous en vendent par téléphone. Hein. On vous a dit sur Internet. Ouais, téléphone aussi. Le Viagra vaut mieux l'acheter avec le médecin. Bah, tous les médicaments sur Internet vaut mieux éviter. Parce que c'est pas trop du ça bien. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. C'est la femme à Gilles? Oui. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Gilles, s'il vous plaît? Oui, je vous le passe. Merci. C'est personnel, hein. C'est au niveau de son zizi. Allô? Bonjour, Gilles. Bonjour, comment vas-tu? Ça va. D'Ivoire, je t'appelais, je suis au courant de ta verge molle. Oh? Oui, de tes petits problèmes d'érection. Te faut, Gilles. Tu sais que ta femme nous a appelés. Ah, je savais pas. Elle nous a appelé pour nous expliquer tes petits problèmes de, tu sais, le zizi, ouais. Bah, a priori, il est un peu. Alors, on a réuni tous les chercheurs de la Gaulle Compagnie. Ouais. Et ce matin, c'est bon, je t'amène ta petite boîte de Viagra. D'accord. Surdosé, hein, 300 fois la dose recommandée. Tu m'amèneras aussi Nicolas avec. Nicolas, oui. Alors, si tu veux, oui. Nicolas, si tu nous entends, appelle-nous. Bon, et Gilles, t'auras une vraie queue de cheval avec ça. Yeah. Ah ouais, tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu veux lui faire à Nicolas, dis donc? L'enculer à sec. Ah, je vois que même avant d'avoir pris du Viagra, ça fonctionne déjà. Ah, bah c'est bien ça. Bah Nico, il va prendre cher. Hein. Ouais. Ah, avec la gaule que tu vas avoir, mon Gilou. Ouais. Bon, je peux passer vers 7h du matin? Non, je serai parti. Je vais me camper là. Tu vas te camper. Bon, on va venir vite alors. J'arrive dans moins de 5 minutes, je suis là. D'accord. Comme ça, tu prends un petit cachet, t'as la gaule toute la journée. Ouais. C'est toi, David? Ben oui, c'est moi, comment tu m'as reconnu? Ah, bah, ta voix, tu parles. Ah, bah, attends, mais c'est sûr. Mais toi, je t'avais dit qu'il allait nous reconnaître. Ah, bah, ça, c'est un Gilou, il a l'oreille. Ah, tu l'as reconnu. Bon, je reconnais les voix. Hein. Hey, bah, attends, t'es bon. Et la fille, tu l'as reconnue? Ah, non. Ah, vas-y, parle un peu. Bah alors, Gilou? Oh, je vois pas. Bah, on l'a trouvé sur le trottoir. Bah, voilà. C'est normal, tu la connais pas. Bon, Gilou, j'arrive. T'es pas en vendange? Non, on a tout bu. Ouais. Plutôt que de les ramasser, j'ai bouffé le raisin. Ouais, moi aussi, je suis complètement pété. J'ai fini décabané sous un pied de vigne. D'accord. Donc on va se finir avec du Viagra, on vient à la maison et puis on va faire la fête tous les deux. Ouais, c'est parfait. Et puis les filles, il faut avoir du Viadou, eux. Ouais, du Viadou, c'est ça. Du Viagra. Non, du Viamaigre. Eh ben oui. Ah. Ouais, du Viamaigre. D'accord. Bon, Gilou, trêve de plaisanterie, je suis là dans moins de 5 minutes, ma poule. Dans 5 minutes, moi je suis là, je me campe sur la machine, moi. Ah, bah tu te campes sur la machine, je viendrai te cambrer sur la machine. Ouais, amène des bennes. J'amène des bennes. Allez, alors s'il y a un Ben qui nous écoute, même chose. Alors les Nicolas, les Ben, allez-y. Allez, ouais. Bon, et je t'amène la boîte de Viagra, je te la fais pas cher, le cachet, je te le fais à 50 euros. Pas cher. Oh, bah oui, il est un peu cher, et moi je trouve sur Internet moins cher. Ah non, mais sur Internet, c'est de la merde. Oui, ah, merde. Non, moi c'est pas Madame China, hein. C'est Madine Pologne. C'est pas Madine Chana. Non, Madine China. Non, c'est Madine Polonia, nous. Moi, bon, je te laisse. C'est de la bonne. On te lèche aussi. On te lèche très fort, Gilou. Ouais, salut. Bisous, à tout à l'heure. Bisous, ciao. Gilou. Ciao. Salut. Voilà, très bien. Eh bien, voilà. Chose bien faite, Romano. Ouais, une bonne gueule pour Gilou ce matin. Il était content. Ah, heureux comme tout. Excité comme tout. Ouais. Alors, si y a un Nicolas, on a besoin d'un Nicolas pour venir chez Gilou. Ouais, vous avez entendu, pour se faire enculer. Voilà, et un Ben aussi. Il veut un Nicolas, un Ben, juste avant de partir bosser. Bon, il est 6h49. Petite question qu'on va vous poser maintenant. On arrive au sondage du morning. Le sondage du morning qui concerne les Français, nous. Et les lieux à l'extérieur où on fait l'amour. Ouais. Où est-ce que vous avez fait l'amour? Dehors. Quel est l'endroit le plus chaud où vous avez fait l'amour? Mais pas dans un lit, hein. Dites-nous au 41759 sur l'appli Skyrock. Et là, vous nous envoyez des messages aussi. Vous nous dites tout ça et nous, on aura le sondage officiel. Quel est l'endroit à l'extérieur où vous avez déjà fait l'amour? Avez-vous déjà fait l'amour à l'extérieur? Et puis, si vous êtes fait surpris, vous pouvez aussi nous raconter. Surprendre. Si vous êtes fait surprendre. Si vous êtes fait surprendre, en effet. Excusez-moi, je parlais en québécois. C'est mieux que surpris. C'est vrai. Et c'est lundi matin aussi. Ouais. Vous nous faites signe, vous dites tout ça. Il y a Fonfon du 5-9 qui a fait l'amour dans un parc public. Très bien. Oui, Jeff, on rigole bien ce matin, t'as remarqué. Hein. Sur un parking dans la forêt pour Trailauf, 20 ans. Salut à toi, le Trailauf. Vos messages. Moi, j'ai fait l'amour dans une cave, ça compte. Ah, est-ce que ça peut être considéré comme un truc à l'extérieur? Si elle est pas à toi, ouais. Bien joué, Romano. Si elle est pas à toi, ouais, bon, j'accepte. Là, il y a Bidule dans un champ de tournesol. Magnifique. Dans un cinéma pour Bistou. Parfait. Dans un parking souterrain pour Cédréa. T'es bien noté, Cédréa. Popo sur un toboggan dans un parc pour enfants. J'espère que c'était la nuit. Ah, j'espère qu'il n'y a pas de gosses. J'aimerais bien faire un toboggan. Tu peux t'enlever, s'il te plaît? Ouais, il y a le monsieur, il bouge dans la dame. Qu'est-ce qui se passe, maman? Sur le toboggan. Dans le train, sur une plage, sur un capot de voiture. Oh, comme c'est romantique. En plus, le capot de voiture, quand t'as la voiture à rouler, c'est bien parce qu'il est tout chaud. Ouais. Voir brûlant. Voir brûlant. T'as l'impression qu'elle prend un plaisir de fou, parce que moi, ça m'est arrivé, hein. Et en fait, non, pas du tout, elle est en train de se brûler le cul. Au troisième degré. Oui, au troisième degré. C'est-à-dire que quand elle se soulève, il y a une couche de peau qui reste collée au capot. C'est bien, ça fait bronzage en plus. C'est un peu quand on m'en fait griller le pain. Là. Ouais, on en reparle tout de suite, et puis dans une minute, l'horoscope de l'amour. Dans moins d'une minute, il arrive, 6h50. Nouveau message, urgent, de Bouygues Télécom. Bah, je t'écoute. En ce moment, le forfait 4GB New 20 Go, ouais, est à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Waouh, 9,99€? Oui. Mais c'est seulement jusqu'au 26 septembre. Tic, tac, tic, tac. Jusqu'au 26 septembre, profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20 Go à seulement 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€. En exclusivité sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Les 4 semaines les moins chères de France commencent demain chez Intermarché. Tentez de gagner des places pour la comédie musicale Les Trois Mousquetaires, des chariots d'une valeur de 75€, des voyages de rêve et des milliers d'autres cadeaux. Pour jouer, gagnez des jetons à chaque passage en caisse. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalité complète, règlement et magasins participants sur intermarché.com. Du 27 septembre au 23 octobre. 6h51 sur Skyrock, sexy le morning ce matin, vous avez vu, hein, avant notre sondage du jour sur l'amour à l'extérieur, on fait le point sur l'horoscope du morning. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope du morning en ce lundi matin, voici les 12 signes et leur puissance amoureuse. Y a-t-il une Sagittaire dans la salle? Ouais. Eh ben ouais. Ah oui, Kael, c'est vrai. J'avais oublié que tu étais Sagittaire. Tu as zéro aujourd'hui. C'est bien. Ça, ça promet. Il n'y a pas de Scorpion hein, dans le studio. Si, là. Oh, il y a un Scorpion. J'avais oublié que tu étais Scorpion. Dis donc. Oh, les deux nazes. T'as vu ça, Romano? Zéro. Ils ont zéro. Mais ensemble, Sam. Ah bah tiens, ça va être. Ils vont faire des étincelles aujourd'hui. Alors Sagittaire et Scorpion, on a un zéro pour vous aujourd'hui. Puissance amoureuse à zéro, mais pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir du mal à vous comprendre aujourd'hui. Ne tournez pas autour du pot, allez directement droit au but, comme l'OM. Dites ce que vous pensez clairement et tout rentrera dans l'ordre. Ouais. Sagittaire et Scorpion, 0, 1 sur 5. Les taureaux et les lions, pas trop envie de faire d'efforts pour vos amours aujourd'hui. Vous occuperez du reste, hein. Il y a des jours comme ça. Vous laissez les choses venir. Mais on sait jamais. Hein. 2 sur 5, les vierges et les béliers, c'est mieux. Évitez juste les promesses aujourd'hui dans le domaine sentimental, sinon ça ira. 3 sur 5, les poissons et les balances, vous aurez un bon contact avec les autres aujourd'hui. Pas seulement en amour, hein. Au boulot, au bahut, partout. Bon contact, mais en amour aussi, poisson balance. 3 pour vous, 4 pour les petits versos chauves. Ouais. Et les pas chauves aussi, hein. Vous êtes verso, vous avez des cheveux, ça marche. Hein. Et les cancers, en couple, votre partenaire vous prouvera la force de son amour. Et si vous êtes célibataire, c'est votre répartie qui fera fureur. Et pour terminer, y a-t-il un Capricorne dans la salle? Ben oui, dis fou. C'est toi. Il y a un Capricorne dans le studio, ben mais c'est oui. C'est toi, oui. Et oui, le studio qui est dans la salle à manger de l'appart. Hein. Ouais. C'est pour ça que je vous disais ça. Et les Gémeaux aussi. Tiens, Capricorne et Gémeaux, 5 sur 5. Voilà, c'est nous les meilleurs. La semaine démarre en beauté, comme nous. Voilà, c'est le mot. Ben voilà. Humble. Ouais, donc une super semaine qui démarre pour les Capricornes et les Gémeaux. Je rappelle, on a terminé la semaine dernière avec un 0 et un 1. Donc, Bah, ça change tous les jours. Hein. Ah, c'est bien que ça bouge. Non, mais Vénus est dans le signe des Capricornes, j'ai vu ça. C'est la planète de l'amour, Vénus. Et ouais, ouais. Et ben, ça va faire les folies aujourd'hui. Capricorne, Gémeaux, c'est nous les meilleurs. Et dans un instant, sur Skyrock, le sondage du jour. Où est-ce que les Français font l'amour quand ils le font à l'extérieur? Absolument. On oui. va tout savoir. Allez, le temps d'écouter Drake. Tous les matins, 6h, 9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Drake et One Dance sur Skyrock. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Where, I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Drake, One Dance sur Skyrock à 6h56. Bonne journée, bon réveil. Une semaine qui démarre sous le signe de l'amour sur Skyrock. Ouais. Avec les lieux à l'extérieur où vous avez fait l'amour. J'ai vu Max là, oui, il est là, Max. Max du 92-190 qui a déjà fait l'amour au pied d'une éolienne énorme. Ah ouais, les gros trucs là. Ouais. Ouais, bah c'est dans les prés en général, donc t'es peinard. Oui, c'est vrai, tu te caches derrière l'éolienne, pas mal. Sinon, bah ça fait l'amour beaucoup en voiture, hein, beaucoup dans des parcs aussi. Vous nous laissez des messages. Fraîche d'Eure-et-Loire, lui a fait l'amour sous la pluie, sur le capot, en face de mon lieu de travail. C'est bien, elle vient te chercher sur ton lieu de travail et tu l'aimes tellement fort. Ou alors t'as tellement la gaule que tu te dis, allez, je vais lui faire l'amour tout de suite. Allez, je vais lui faire l'amour tout de suite, comme ça il y a le reste des collègues qui sortent du boulot, ils assistent au spectacle, c'est magnifique. Et le plus discret, c'est quand même Ludo. Ludo qui l'a fait au milieu d'un grand stade de rugby, éclairé le soir, et on s'est fait surprendre. Ah. Mais ouais, mais bon, faut peut-être pas. Et en plus, il y a peut-être du public aussi, parce que si c'est éclairé, ça veut dire qu'il y a eu un match. Non mais ouais, c'est chelou. Et si c'est éclairé, ouais, c'est qu'il va y avoir un match où il y en a eu un. Ouais. Ou au mieux, un entraînement. Fais très attention, Ludo. Toi, tu vas terminer sur YouPorn, hein, je te le dis. Hein. Ouais, fais gaffe quand même. Ouais. Ouais, Romano, ça va t'exciter aussi. Allez, avant de vous donner les résultats du sondage, je vous lis le message de Lemon. Salut Lemon Gasquet du 17 sur un parking à côté d'une banque. Ah, Romano, pas ouais, beau ça. Pourquoi pas, ouais. Bon, dans un parc, encore dans un champ, dans la voiture, dans la cage d'escalier. Bon, ça fait l'amour partout. Vous êtes chauds, les auditeurs, les auditrices de Skyrock, ça fait plaisir. Mmh. Oh, comme c'est romantique. Derrière une poubelle, j'avais pas vu c'est ça. Mignon ça. Derrière une poubelle au palais de Tokyo, en plein après-midi, avec une inconnue. Vive Paris. Merci, Renard. Voici donc le sondage du morning. Le sondage du morning de Default sur Skyrock. Les lieux où les Français ont fait l'amour. Quel est l'endroit où les Français ont fait le plus l'amour? Voiture, je dirais. Ouais, bien, bien. Bravo, Carriole. Eh non, le parking. Non, c'est pas le parking, Romano, c'est après. Bravo, Carriole. 66% des Français qui ont fait l'amour dehors l'ont déjà fait dans une voiture. En deux, dans la nature. Un champ, une clairière à 61%. Ouais. En trois, les parkings. Mmh. Les voici, les parkings, tu vois. Avec 39%. Après, on a sur la plage ou dans la mer. Ouais. Sur un balcon, devant une fenêtre. Moi, j'évite parce que j'ai des gens qui sont à 3 mètres hein, de l'autre côté de la rue, je les vois. Ça dépend comment est foutu ton balcon par rapport aux autres immeubles. Ah, bah, moi, il est pile. Ouais. Il y en a qui ont des vues panoramiques sur mon balcon. Donc, fais l'amour, ça fera une attraction pour l'immeuble d'en face. Ouais, c'est vrai. Le balcon, après, il y a dans la rue. Et au cinéma, 11%. J'ai pas mal de messages aussi, au cinéma. Ça fricote au cinéma, mais ça fait pas vraiment l'amour. Ça touchote aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça se touche les organes. C'est ça, ça s'organise, on va dire. Absolument, oui. Très bien. Bon, voilà pour le sondage du morning. Les Français font l'amour dehors. Vous aussi, ça fait plaisir. Beaucoup d'amour, beaucoup d'argent aussi à gagner. Hein. 1 500 €. Nouveau rendez-vous, bah, tout de suite sur Skyrock. Préparez-vous. Les infos de Rémi, les 1 500 € juste derrière. 6h59. On appelle des voisins dans le 37. Ah, très bien. Des voisins. Ça, c'est bien, là, les voisins. Parce que parfois, ils se reconnaissent. Allô, ah. Vous êtes qui? Oui, ben, je voudrais bien savoir qui vous êtes, vous, c'est vous qui m'appelez. 21h minuit. Janine. Janine. Oui, mais moi, je vous ai pas appelé, alors vous me foutez la paix, s'il vous plaît. C'est hein. Janine. Ouais, espèce de tocard, je vais te faire voir, moi, abruti. Eh ben, ils sont super dans le 37. À un moment, ils étaient 4. Default. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. En ce moment chez Carglass, pour toute intervention vitrage, on vous offre vos balais d'essuie-glace avant. Et en plus, c'est des Bosch. Une offre comme ça, faut pas la rater. Alors, prenez rendez-vous maintenant. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable jusqu'au 29 octobre dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur carglass.fr. Pile 7h du matin sur Skyrock, c'est l'heure des infos, l'heure de vos 1 500 € juste derrière. Et puis Alonso arrive pour Binta Binta dans le morning. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Ah, lundi matin, je sais, c'est pas facile de se réveiller lundi matin. Moi j'avais des yeux, mais on aurait dit qu'on m'avait tapé celui quand je me suis réveillé. Tu sais, tu te réveilles parfois quand t'as eu trop chaud la nuit, t'as les yeux qui sont tout gonflés. Ou alors c'est peut-être ton oreiller, il est sale. Mais non, mon oreiller est pas sale, Romano, je change mes draps 3 fois par semaine. Mais peut-être que t'as fait une allergie à ta lessive. Mais non, je fais pas d'allergie. Non, mais moi ça m'est déjà arrivé, tu sais, dans un appart qu'on avait loué, ils fournissaient le linge. Et je sais pas, il y avait un problème, je m'étais réveillé, j'avais les yeux de Cédric. Les yeux de Cédric. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était à cause de la lessive qui était utilisée. Ah ouais, bah je vais regarder ma lessive. Alors moi, je crois que j'ai eu trop chaud cette nuit. J'ai eu chaud, j'ai mis la couette et tout. Et au bout d'un moment, quand t'as trop chaud, t'as les yeux qui gonflent. Oui. Ça vous le fait pas, ça? Non. Bon, bah, faites le test. Dormez demain avec 30 chez vous. Ouais, voilà. 30 degrés au thermomètre et vous m'en direz des nouvelles. Bon, ça y est, bien réveillé ce matin, content d'être avec vous et content de vous offrir 1 500 € aussi. Qui sera le premier gagnant, la première gagnante de la semaine? La seule radio qui vous offre 1 500 € tous les matins, c'est Skyrock, évidemment. Ouais. Et ça va se passer dans un instant en direct sur Sky. Alonso arrive pour Binta, je vous l'ai annoncé. Et tiens, puisqu'on parlait de Cédric sera avec nous logiquement ce soir dans la Radio Libre. Il va venir nous voir, Romano. Oui, je sais, ouais. Il m'a dit qu'il passerait. Tu es content? Ah ouais, grave. Ah, il est content. On va retrouver notre Cédric. Ouais. Cédric, que vous retrouvez tous les matins et tous les soirs. Enfin, sauf quand il a la clavicule cassée. Parce qu'il a la clavicule cassée, nous a dit. Ah ouais, et quatre queues. Et quatre queues. Et quatre queues. La clavicule et quatre queues. Ce qui fait qu'on l'a pas vu depuis trois semaines. Enfin, on est allé le voir. Mais on ne l'a pas eu dans nos studios depuis trois semaines. Ce soir, le grand rendez-vous, le grand retour de Cédric. Avec des nouvelles de sa clavicule. Vous en saurez plus. Attention, accrochez-vous. Mais t'es obligé de venir torse nu, hein. Non. Bah, je sais pas, moi, à chaque fois que j'ai été le voir, le mec est torse nu. Ouais, moi aussi, oui. C'est vrai que j'ai pas j'ai pensé, encore été merde, vendredi matin, là, avec Cariole, il était torse nu, les tétés à l'air. Donc, une émission sexy qu'on vous prépare pour ce soir entre 21h et minuit. C'était splendide. Bon, allez, c'est sexy ce matin, regardez, Rémi est là. Ah, bah, tiens. Rémi et la météo, le point sur le temps pour aujourd'hui, et puis le point sur l'actu aussi. On fait tout ça avec toi avant les 1500 E. Et un début de semaine plutôt agréable, hein. Le soleil s'invite presque partout ce matin, hormis à l'est où c'est vrai qu'il y a un petit peu de grisaille, notamment en Alsace. En Franche-Comté, mais ça va aller mieux cet après-midi. Au final, voilà, tout le monde aura du soleil. Les températures ce matin comprises entre 8 et 18 degrés, 12 en région parisienne, de 20 à 27 cet après-midi. Et puis la pollution, c'est nickel. Les indices compris entre 3 et 4, ça monte tout juste à 5 en Corse, sur Bastia et Ajaccio. Il y a Cougar qui nous dit trop. Cougar qui a 17 ans, hein. Mais bon, Cougar quand même qui nous dit trop fort, Cédric, ce soir. T'as raison, ça va être super sexy l'émission. 21h, ah, grave. Loupez pas le rendez-vous. Et les infos, c'est parti, Rémi. On va parler foot, on parle du reste de l'actu. La journée mondiale de la contraception aujourd'hui, l'occasion d'en savoir plus et de se renseigner davantage sur les différents moyens qui existent. C'est la pilule qui reste le contraceptif le plus utilisé. 4 femmes sur 10 avouent l'avoir déjà oublié. En France, une grossesse sur 5 reste non désirée et 210 000 femmes ont recours chaque année à l'avortement. Les hôpitaux probablement au ralenti aujourd'hui. Les opérations les moins urgentes pourraient être reportées. Conséquence d'un appel à la grève lancé par les syndicats des médecins hospitaliers. Le mouvement se poursuivra sans limite de durée au cours des prochaines nuits. Les déserts médicaux sont constatés dans les campagnes, c'est vrai, mais aussi dans les hôpitaux. L'intersyndicale entend rendre les établissements plus attractifs. Elle demande une meilleure appréciation du temps de travail et une revalorisation des carrières. Une visite attendue aujourd'hui, celle de François Hollande qui se rend à Calais. Il va y rencontrer les élus, les chefs d'entreprise ou encore les forces de l'ordre. C'est la première fois de son mandat qu'il se rend sur place. Le président sera forcément interpellé par les associations qui demandent une vision à long terme dans le dossier migratoire. Le chef de l'État a promis de démanteler la jungle sans donner de date précise. Un acte rarissime qui s'est déroulé en région parisienne ce week-end, plus précisément à Fontainebleau. Un Boeing d'Air France a dû vidanger une partie de son kérosène au-dessus de la forêt. L'appareil avait décollé peu de temps avant d'Orly pour se diriger vers la Guyane. L'un des réacteurs a lâché et le pilote a demandé un atterrissage d'urgence. La vidange carburant fait partie des procédures à faire dans ce genre de cas, mais ça, voilà, c'est quand même plusieurs centaines de tonnes. Hein. Fallait arriver à la forêt de Fontainebleau avec des bidons. Ah ouais. Vous récupérez l'essence. Alors, le kérosène. Les familles qui se promenaient hier, elles sont contentes. Ils sont mazoutés. Non, mais en vérité, ça, comme il va très vite, l'avion, ça rentre dans les nuages directement. Ah, et ça n'a pas le temps d'arriver en bas, sur la terre. C'est toujours mieux que de se prendre à tout sur la gueule. Oui, c'est vrai, ouais. Bon, le sport, foot, ouais, le foot, Ligue 1 et puis le Tour d'Europe des stades. Ouais, 7e journée de Ligue 1, suite et fin. Marseille prend un petit bol d'air frais, là, en signant sa 2e victoire de la saison. L'OM a dominé Nantes 2 buts 1 hier soir. Les Marseillais sont 13e du classement, bien loin. Derrière Nice, les Aiglons, leaders, qui ont creusé l'écart. Les Aiglons n'ont pas tremblé contre Nancy 1-0. Lille est bon dernier après une victoire 3 buts 1 contre Saint-Etienne. Au classement donc, Nice, Monaco et Toulouse. Le Tour d'Europe des stades comme tous les lundis matins sur Skyrock. 6e journée de première ligue anglaise ce week-end. Manchester United s'impose 4-1 contre Leicester avec un but inscrit par Pogba. Manchester City a dicté sa loi à Swansea 3-1. Liverpool a largement dominé Hull City 5-1 et défaite de Chelsea 3-0 contre Arsenal. Au classement, les Gunners sont 3e derrière Tottenham et Manchester City. En Espagne, c'est Antoine Griezmann qui donne la victoire à 1-0 à l'Atlético Madrid contre le Deportivo La Corogne. Le Barça a laminé le Sporting Giron 5-0 avec un doublé signé Neymar. Match nul 2 buts partout entre le Real et Las Palmas malgré un but de Benzema. Au classement, la Maison Blanche est en tête devant le Barça et l'Atlético Madrid. En Allemagne, le Bayern de Munich est en tête du classement après le 1-0 de ce week-end contre Hambourg. Enfin, en Italie, l'AS Roma a chuté 3-1 contre Torino. Match nul 1 but partout entre l'Inter de Milan et Bologne et 0-0 entre la Fiorentina et Milan. La Juve reste en tête après s'être imposée 1-0 face à Palerme. Eh bien, on reparlera foot avec une grosse embrouille entre deux stars du foot à découvrir avant 7h30. Mais grosse embrouille. Hein. Mmh. À coup, je vais te défoncer la gueule. Ah, ça. Quand même. Oui, on en reparle tout à l'heure. Bonne ambiance. Pas mal. Merci Rémi pour les infos. T'entends à 7h30. À tout à l'heure. Il est 7h06 sur Skyrock. De quoi a rêvé l'équipe cette nuit? Difool a rêvé qu'il faisait de la radio en direct de la planète Mars. Et bienvenue à vous tous et à vous toutes. Bonjour à tous. Romano a rêvé qu'il avait gagné à l'Euro Million. Cédric a rêvé d'un kebab. Non, la crème fraîche, c'est toute ma vie. Cariole a rêvé d'un très gros kiki. Oh. Ça change de Romano. Salut. Et non, vous ne rêvez pas. Ils sont bien avec vous ce matin. En direct de l'appart, 6h-9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Bon lundi et merci de vous réveiller avec Skyrock comme tous les matins. Je vois que t'as l'enveloppe entre les mains. Romano, je cherchais mon enveloppe des 1500 euros. Elle est là. Tu vas l'ouvrir et on va savoir où est-ce qu'on va aller offrir de l'argent ce matin. Attention, le réveil de star d'aujourd'hui, c'est Pascal, le grand frère. Le vrai de vrai, hein, pas le celui de Mytho là. Non, nous c'est le vrai grand frère qu'on c'est va C'est Pascal Sointins. Pascal Sointins, c'est là. Celui qui passait sur TF1 à l'époque là. Oui, c'est ça, exactement. C'est Pascal. Oui, c'est Pascal, ouais, on t'a bien reconnu. Hein. Ça va Pascal? Ça va petit con? Ouais, ça va bien, tranquille. Maintenant il est sur la 12, il a baissé en gamme même. Bah oui, mais bon, faut. Mais il est sympa ce mec. Moi je l'aime bien aussi Pascal, le grand frère. Ouais, moi aussi. Enfin, ouais, j'aurais pas aimé le voir arriver chez moi si j'avais quand j'étais gosse. Hein. Ouais. Je vous le dis tout de suite. Hein. Pascal, le grand frère, à qui on fait de gros bisous. Je suis pas là pour que on se fasse des bisous, etc. Allez, on est pas là pour ça du tout. Allez, Pascal. Allez, Pascalou. Un bisou. Bon, Pascal est de retour tout de suite avec le réveil de star. Comment il va être accueilli par les familles? Bien, mais, sans doute. C'est, je suis pas sûr, Cariole. Pas sûr. Bon, l'embrouille de nos deux stars du foot, on y revient. On parlera également de vol d'argent. Ça peut t'exciter, Romano, tout ça avant 7h30. Très bien. Et puis, ce sera dans Info Mytho. Hein. Ouais. Info Mytho à retrouver et à gagner votre iPhone 7. Préparez-vous. Mais d'abord, de l'argent, vous en voulez? Oui. Oui. Oh oui. 1500 euros pour vous sur Skyrock. Si ton téléphone sonne, réponds Skyrock. Localisation du gagnant des 1500 euros. Ouais, on peut vous appeler chez vous, on peut vous appeler partout, sur votre portable, sur la route du boulot, sur la route du bahut. Ou même au boulot ou au bahut, c'est déjà arrivé hein, que ça gagne au boulot ou au bahut. Au boulot, c'est tombé la semaine dernière d'ailleurs. Bon, je crois vendredi, c'est Adrien, je crois qu'il était au travail déjà, Adrien. Alors, Romano, tu as ouvert l'enveloppe. L'enveloppe. Alors, on va dans le 42. Magnifique. Saint-Étienne. Oh, Saint-Étienne, alléluia. Ah bah tiens, je crois pas si bien dire, c'est la famille Chrétien. C'est pas vrai. Si, Brian. Mes bien chers frères. C'est Brian. Mes bien chères sœurs. Brian Chrétien. Nous appelons Brian Chrétien à Saint-Étienne. Oui. Il faut répondre Skyrock. Ouais. Pour bien, gagner 1500 euros. Père. Merci. Ma sœur. Moine Romano. Non, il est moine, il n'a pas de cheveux. Allô? Oui, monsieur Chrétien. C'est Brian. Brian. Oui. Nous sommes en direct à la radio, Brian. Nous sommes réunis ce jour. Nous sommes réunis ce jour. Et si on est réunis? Et si on est réunis? Ce lundi 26 septembre pour t'offrir 1500 euros, Brian. Chaussée au moine. C'est vrai? Oui, je suis avec le moine Romano. Oui, moi je fais du chaussée au moine. Oui, qui est en train de manger son petit fromage ce matin. Bien, Skyrock, je ne sais pas, je vais d'abord te poser la question. Voici la question officielle. Oui, selon l'article 22... Non, ça c'est le code pénal, excusez-moi, oui. Je me suis trompé. Où est ma Bible? Bon, t'as... Depuis tout à l'heure, il n'arrête pas, Skyrock. Frère Brian, attendez donc la question. Quelle est ta radio préférée, Brian? Skyrock. Bravo. Bravo, c'est comme ça qu'on va dire. Bravo, comme le dit Bravo, Romano. Bravo. Brian, tu viens de gagner 1500 euros. Oh, ça gère. Et voilà, bien joué, Brian. Ça pète sa mère. Oh, nickel, merci beaucoup, l'équipe. Ça pète sa mère, les 1500 euros de Skyrock. Bien joué, Brian, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Présente-toi un peu, on sait que t'es stéphanois, Brian. Je suis parisien, mais je vis à Saint-Etienne. Et voilà. Mais tout le monde s'exile à Saint-Etienne, Romano. C'est the place to be actuellement. C'est ça, ouais. Ça va, Brian, la vie n'est pas trop dure. Bien sûr que non, regarde, j'y ai vécu 20 ans. Ça va, tranquille. Ça va, t'arrives à survivre là-bas. Romano, j'ai survécu 19-20 ans à Saint-Etienne. Ah ouais, bah, dis donc, ouais. Bon, Brian, super, on est content. Hein. T'as gagné 1500 euros, t'es le premier gagnant de cette semaine. C'est toi qui gères. Je suis trop content. Ça fait tellement longtemps que je les attends que. Eh ben, ils arrivent bientôt dans la semaine, tu vas recevoir ton chèque. Nickel, parfait. Oh, tu t'étais inscrit, toi, ou c'est le hasard? Je me suis inscrit plus de 5 fois. Ah bah t'as bien fait, tu vois. 7-20-20, vous envoyez 1500 au 7-20-20, et un jour on vous appelle, vous avez vu? Ouais. Eh ben voilà, c'est ton tour, Brian. Je peux pas m'entendre à la radio, là, parce que je suis en train de charger, je suis chauffeur routier, donc. Ah, ça chauffe, ça livre, ça roule. Eh ben c'est bien, Brian. Ça roule. Félicitations. Je suis trop content. Merci beaucoup. Bah merci à toi de te réveiller avec nous. La semaine tous les commence matins. Bien. Ouais, c'est clair. Avec un chèque de 1500 euros. On t'embrasse, Brian, raccroche pas, on vérifie tes coordonnées, on t'envoie tout ça à Saint-Étienne. Ça marche. Merci beaucoup. Et ciao, merci à toi. Salut, salut. Les Stéphanois qui ont fait un match magnifique hier. Je sais pas si vous avez vu les trois buts de Saint-Etienne, exceptionnels. Ah non, non, non, je sais pas pourquoi je vous demande ça, parce que et Carriol et Romano, les matchs de Saint-Etienne, vous les regardez pas. Bah, vous avez tort. Des buts dignes de Messi. Ouais, mais c'était où, à Canal Plus ? Ronaldo. C'était à Canal Plus, oui. Ouais, trop cher. On l'a pas, ouais. Ah, vous n'avez pas ? Non, trop cher. Quoi, Canal Plus ou Bein, je sais plus même. Bah, des fois, on l'a gratuit, 3 mois de l'année, mais. Bon, bah, Canal Plus, si vous nous écoutez. Un petit abonnement gratuit pour monsieur Romano, ça ferait bien plaisir. Allez, vous lui envoyez l'abonnement de quelqu'un qui se désabonne, il y en a plein. Voilà. Je récupère. Il récupère tout. Allez, on écoute Alonso tout de suite. On aura designer aussi, Panda. Écoutez, le nouveau Niska avec Maître Gims à retrouver ce matin. Elle avait son Joe. Elle avait son Joe. Nouveauté Skyrock et découverte Skyrock. Tout ça avant 7h30. Il est déjà 7h11. Le réveil de Star arrive. De Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Ah, j'y crois même pas là. J'y crois même pas. Putain. Des réveils. Ah ouais, le seul morning qui vous offre 1 500 € toutes les demi-heures. On recommence à 7h30 d'ailleurs tout à l'heure. Allez, Alonso. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, ce bout. On a peur de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. J'ai bien capté ses manigances, elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Elle voit que le côté finance, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le smic est resté assez minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Alonso sur Skyrock, 7h15, voici notre réveil de star tous les matins. Une star vient réveiller la France et les Français. On va voir ce que ça va donner ce matin, je vous l'ai dit. C'est Pascal, le grand frère, qui est avec nous ce matin. Pascal Soitens. Ah oui, c'est ça. Pascal Soitens. Soitens, je sais pas comment on dit, ouais. Soitens. C'est Pascal. C'est Pascal le grand frère. Le grand frère. L'original. Oui, présente. Ben voilà, c'est bien ça. Présente-toi. Je m'appelle Pascal. Pascal. Alors Pascal comment? Parce qu'on se posait la question là. Pascal Soitens. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Ça commence bien toi, hein, entre toi et moi. Ouais, ça commence bien entre nous. En effet, il va nous engueuler. On va vite le mettre en contact avec quelqu'un, Pascal. On va le mettre en contact avec un Français choisi au hasard dans l'annuaire. Tais-toi. Oui, alors attends. C'est à toi de passer un coup de fil. C'est parti, chez qui on va ce matin? Je crois que c'est un Nicolas qui va être réveillé par Pascal le grand frère. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Et on va voir ce que ça donne chez Nicolas. On lui a passé un petit coup de fil à Nicolas. Avec Pascal. Comment on se réveille avec Pascal? Hein? Bien. Alors, bonjour. Oui. Ça va, petit con? Vous pouvez me dire qui vous êtes? Ça commence bien. Je me présente. Bah oui, j'aimerais bien, oui. Je m'appelle Pascal. Pascal. Il y a une époque, on m'appelait le grand frère. Eh oui. Oui. À qui j'ai affaire, là? D'où vous me connaissez? J'ai affaire à un voleur? À un menteur? Un mec violent? Qu'est-ce qui vous permet de dire des allégations pareilles? Ça fait une demi-heure que je t'observe par les caméras. Par les caméras? Quelle caméra? Tais-toi. Non, maintenant c'est toi qui ferme ta gueule. Quelle caméra? On va pas me chauffer, hein. Ah, mais là, c'est toi qui me chauffe, là. Ce soir, moi, je vais dormir chez vous. Ah, bah, viens! Viens, je t'attends, la porte est grande ouverte. Viens. T'es nerveux? Ah bah si on continue à me chauffer, oui, je risque de l'être, oui. On va avoir un souci alors. Bah viens. Tu sais comment je fonctionne? Non, je te connais pas, donc qu'est-ce que tu me casses les couilles? Je suis un mec autoritaire. Oh, t'inquiète pas, moi aussi. Ah. Mais par contre, j'ai cru comprendre que t'avais besoin d'autorité. Donc ça tombe bien, je suis l'autorité. T'es l'autorité? Bah viens m'inculquer l'autorité. Ma main dans ta gueule aussi, je vais te la prendre l'autorité. Ouais, il faudra que je te calme alors. Ah bah viens. Ouais, bien, chacun son tour, ça s'appelle la communication. Donc je parle, tu parles. Je suis impulsif, oui, quand on me chauffe trop, quand ce genre de connerie que t'es en train de me faire. Donc mon gars, si t'es un bonhomme, tu ramènes ta gueule ici et je t'attends, ma porte elle est grande ouverte. Mais vraiment, faut que j'arrive. Ah bah viens, je t'attends, t'inquiète pas, tu seras bien reçu mon gars. Mais alors là, tu seras bien reçu mon gars. J'ai les oreilles qui vont saigner là, tellement les insultes sont énormes. Et moi, je vais saigner de ta connerie. Et en plus, tu parles ici comme tu parles dans la rue. C'est comme moi, tu fais michto, mais non. Ouais, moi je t'emmerde. Non, moi je me casse. Je changerai pas de ligne de conduite, je t'emmerde. Mais il est quand même sympa, Nicolas. Il a invité Pascal. Comme quoi, tu avais raison, Cariole. Ça s'est très bien passé. Ah ouais, l'autre était là. Viens. Il l'a dit au moins 10 fois la suite. Oui, j'ai compté, il y en a eu 10. Viens, j'aurais dû. Viens. Bon, si vous avez compté le nombre de viens, parce que je me pose quand même une question, combien il en a fait à la suite? Je croyais qu'il était bloqué, qu'il allait finir la matinée comme ça. Viens. Bon, invitation, bon contact entre Pascal le grand frère. Très bien. Ça fait plaisir. J'espère que ça se passera bien, aussi bien d'ailleurs, dans une heure. Retour de Pascal le grand frère ce matin, qui est la star qui réveille les Français. Bon, bah Pascal a bien rigolé, moi aussi. Dans un instant, on vous offre un gros cadeau, l'iPhone 7. Ouais. On l'a promis, il arrive, on joue à Info ou Mytho. On va parler de grosses embrouilles entre deux footballeurs, on va parler de beaucoup d'argent aussi. Tenez-vous prêts, les news d'Info ou Mytho. Les infos et les mythos, ils arrivent. Non, moi je me casse. Bah écoute Pascal, vas-y. Et puis on te retrouve tout à l'heure alors. Ah bah salut Pascal. Oui, qu'est-ce qu'il fait? C'est Pascal. Les stars réveillent la France. Ça va petit con? C'est le réveil de stars sur Skyrock. Et là c'est Panda avec Designer sur Skyrock à 7h19. Allez, on dab. Ouais, allez. Allez, dab, Romano, avec tes petits bras. Hop là, et mentir. Va pas te déboîter une épaule. I got broads in Atlanta, just to Dolly in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacies, family, way and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then the bullet, you ban it. Killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, why is it look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, why is it family? Packers full, Danny, selling ball, candy. May not the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then they pull up your band. Hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, twisted the meanest shit, sipping Fanta. Credit cards and the scammers, wake up beside the shoe, let it sign up. Over to Lady shoe, they be anti rent, I know we clap at you. I be pulling myself in the Fanta shoe. I got plenty just off of Bugatti, but look how I try to shoot. Black is six, Fanta, why is it killing no comma? Pop a perk, I got signing gorilla, they come and kill you with bananas. For feelers, I feel it, pull up in the Fanta, no niggas, they come and kill you on the counter. But Broly is dancing bigger than the Panda, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up in the get it. I got niggas, just count for digits. Say you make you a lot of new money. No killers, pull off in the inner baby. CTDD, pull off in the killer baby. Call a filler, fill up, gon' fill it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, go kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah, shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spin it. The Bobby, you trend it. Chapter Dawn, doing business. In the rave, doing the pool, doing the pin. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas, you feel it. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the Fanta. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the Fanta. Legacy, Fanta, why is he look like a panda? Going out like a Montana, only killers on the hands. Legacy, Fanta, why is he panda? Packers full, Danny, selling ball, candy. May not the macho like Randy, the chopper go ask for Grammy. Then nigga pull up your banner, hope your killers understand me. Panda, panda. Panda sur Skyrock, on écoutait Designer. C'est l'heure de jouer ensemble maintenant et de vous offrir vos iPhone 7. Les iPhone 7 sont gagnés tous les matins dans le morning avec notre info mytho du jour. On joue à info mytho à 7h22. Allez, ma petite info. On va parler d'embrouilles de stars du foot. Il y a deux stars du foot qui ont envie de se mettre sur la gueule. Il y en a deux qui se sont croisés ce week-end. Ronaldo et Messi se sont croisés en boîte ce week-end. Ouais. Sympa. Et ouais, et Messi a provoqué un petit peu Ronaldo. Il l'a regardé en montant sur une échelle. Ah ouais, ouais. Il avait pris son, parce que Messi est tout petit, oui. Il avait pris son escabeau, il l'a regardé en face, il lui a dit, toi, je vais te casser la gueule un jour. Heureusement que t'es venu avec tes potes, sinon, la prochaine fois que tu seras tout seul et qu'on se retrouve face à face, je te défonce la tête. Voilà ce qu'aurait dit Messi à Ronaldo. Ronaldo a-t-il répondu? Ronaldo s'est-il battu? Vous en saurez plus dans un instant, mais surtout, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ce que je vous ai raconté? Info ou mytho? Ronaldo et Messi qui se rencontrent dans une boîte. Messi qui monte sur un escabeau et qui provoque Ronaldo. Qu'est-ce que vous en pensez? Vrai ou faux? Donc info au 41759 ou sur l'appli Skyrock si vous pensez que c'est vrai. Ou mytho au 41759 ou sur l'appli Skyrock si vous pensez que c'est faux. Carole a donné le top. Bah allez-y, c'est parti alors. Top, vous y allez. C'est plus aucune autorité dans cette émission. Moi. Voilà, ça moi je dis top. Elle donne des tops. J'ai même pas fini de raconter ma story. Top. Allez, top. Donc vous envoyez vite vos messages. On prend le premier ou la première partie de maintenant. Allez-y. Bonne chance à vous. L'iPhone 7 est à gagner. Vous avez la sélection, la collection de sélection. Après, il faudra transformer tout ça avec les infos que vous donnerons Romano qui va nous parler d'argent, ouais, et Cariol qui va nous parler de voyage. Ouais. Allez, préparez-vous. Bonne chance à vous. Info mytho, Messi Ronaldo, le clash ou pas. Allez, 7h23. Nouveau message, urgent, de Bouygues Télécom. Bah, je t'écoute. En ce moment, le forfait 4GB New 20Go, ouais, est à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Wow, 9,99€? Oui, mais c'est seulement jusqu'au 26 septembre. Tic, tac, tic, tac. Jusqu'au 26 septembre, profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20Go à seulement 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€. En exclusivité sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. W9 présente OVNI, l'info retournée. Bertrand Chameroy fait sa grande rentrée sur W9 demain soir en direct à 22h45 avec sa toute nouvelle émission. Retrouvez-le entouré de sa team pour des happenings, des tournements, micro-trottoirs et parodies avec des invités pour s'amuser en s'inspirant de l'actualité. OVNI, l'info retournée, demain soir en direct à 22h45 sur W9. Jiffy des idées de génie. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Étonnant, pour les 35 ans de Jiffy, Jiffy nous fait gagner 35 millions d'euros. Oui, oui, 35 millions d'euros à gagner. C'est simple, c'est gratuit, tu joues, tu gagnes et surtout, n'oubliez pas de me remercier. Jiffy des idées de génie. Jouez en téléchargeant l'appli Bravo Loto, 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Les 4 semaines les moins chères de France commencent demain chez Intermarché. Tentez de gagner l'un des 15 000 chariots d'une valeur de 75€ et des milliers d'autres cadeaux. Pour jouer, gagnez des jetons à chaque passage en caisse. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalité complète, règlement et magasins participants sur intermarché.com. Du 27 septembre au 23 octobre. En ce moment, chez Carglass, pour toute intervention vitrage, on vous offre vos balais d'essuie-glace avant. Et en plus, c'est des Bosch. Une offre comme ça, faut pas la rater. Alors, prenez rendez-vous maintenant. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable jusqu'au 29 octobre dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur carglass.fr. Leclerc. En ce moment chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, le téléviseur LED Ultra HD 4K ailleurs, 102 cm, est à 299 euros. Achetez une télé. Tu m'étonnes, une télé comme ça, à ce prix-là. Du 27 septembre au 1er octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le téléviseur LED Ultra HD 4K 102 cm ailleurs, avec 50 euros de réduction immédiate, est à 299 euros, dont 2,24 euros d'éco-participation après réduction. Voir modalité dans les magasins participants et sur le site i-tech.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat. 7h26 sur Skyrock. Allez, on va savoir plus sur la embrouille entre Messi et Ronaldo. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Réponse tout de suite. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Oui, Messi et Ronaldo se seraient croisés en boîte ce week-end. Ronaldo et Messi, bon, c'est pas l'amour fou. Bah, une fois de plus, c'est pas l'amour fou. C'est Messi qui a provoqué Ronaldo, qui lui a dit: toi, un jour, je vais te péter la gueule. Bam, est-ce comme que ça, c'est quoi. Une info ou un mytho? On a Ness au téléphone en direct de Mâcon avec nous, en Bourgogne. Salut la Bourgogne. Salut le 71. Salut Ness. Comment ça va, Ness? Oh bah là, au top. Ah bah j'imagine, hein. Attention, c'est pas gagné encore, hein. T'as passé la question de sélection, c'est pas facile parce qu'il y avait du monde, hein, pour l'info mytho de ce matin. Alors Messi, Ronaldo, est-ce qu'ils se sont embrouillés? Est-ce que Messi a provoqué Ronaldo en lui disant: je vais te péter la gueule? Non, mytho. Mytho. Je pense que c'est mytho, ouais. Ouais, par contre, il y a deux stars du football qui sont en clash, mais en clash depuis longtemps. Il y a un livre qui va sortir à la fin du mois, écrit par un Anglais, et qui nous parle de Mourinho et de Arsène Wenger. Ouais. Ouais. Mourinho et Wenger, c'est pas l'amour fou, hein. Et Mourinho a déclaré, et donc ça c'est vrai, que quand il croiserait Wenger en dehors d'un stade, genre dans la rue, dans un endroit tranquille, il lui péterait la gueule. Voilà, comme ça. Je vais te péter la gueule un jour. Je te vois en dehors d'un stade, je te pète la gueule. C'est voilà. Kaira Mourinho. Mourinho est une. Tu vois qui c'est Mourinho? C'est l'ancien entraîneur du Real, par exemple. Oui. Voilà. Celui qui a les cheveux gris, là. Celui qui a les cheveux gris, tout qui est ça. Pas mal. Ah, Carriol le trouve pas mal. Qui est pas mal. Ouais, pour son âge, on va dire. Hein. Oh. Voilà, Mourinho contre Arsène Wenger. Bah écoutez, on attend avec impatience. Bah, qui se croise en dehors. Hein. Ouais, Wenger fait quand même une tête de plus que lui, il faut qu'il fasse attention. Ouais, Mourinho. Il prend des risques quand même, il doit être nerveux le Mourinho. Voilà, donc pas d'embrouille, en tout cas pour l'instant, entre Ronaldo et Messi. En tout cas, ils vont pas se casser la gueule tout de suite, on va attendre un peu. Bon, Ness, on va pas attendre du tout pour toi, on va jouer à Info Mytho maintenant que tu es qualifié. Voici la dernière épreuve avant l'iPhone 7. J'espère que tu vas le gagner, Ness. Oh, j'espère aussi. Oh là là. Allez, Carriole d'un côté, Romano de l'autre, attention au Mytho, fais gaffe. Info ou Mytho, qui dit vrai, qui dit faux. À toi de détecter le Mytho. À toi de détecter le Mytho, Ness. Et Romano, tu voulais nous parler d'argent ce matin. Oui. C'est étonnant te connaissant. Surprenant. Mais oui. Surprenant, dis donc. Au Canada. Ah, au Canada, t'es ben bon. Ouais. Hey, t'es ben bon. Ouais, ouais, c'est ben bon. Il y a eu un problème à la maison royale canadienne. La maison royale canadienne, mais qu'est-ce que c'est? Alors, il y a un employé là-bas, de la maison, de la monnaie royale canadienne. Oui. Qui est accusé d'avoir volé 180 000 dollars en cachant des pièces d'or. Où ça? Dans son trou de balle. Oh! En fait, c'est un mec qui travaillait à l'endroit où on fabrique des pièces de monnaie. Ouais, c'est ça. Et donc, le mec a rien trouvé de mieux que de les voler et de se servir de son corps comme d'une tirelire. Ouais. En s'enfonçant les pièces dans sa fente. Ah oui, pour sortir, pour pas se faire repérer. Ouais, ouais. Parce qu'il doit y avoir un détecteur, tout ça. Info ou mytho? Alors, il se mettait l'argent dans le cucu pour le sortir. De la maison où on fabrique de la monnaie. Ouais. C'est l'info de Romano. Écoute bien celle de Carriole. Moi, c'est un avocat italien sur un vol, en fait, Fly Emirates Airlines. C'est grave, Carriole, vas-y, continue. Et qui attaque en justice la compagnie, en fait, car il était à côté, d'un mec qui n'arrêtait pas de péter tout le trajet. Bon, moi, je dis Romano info parce que j'ai rien compris à l'info de Carriole. Donc, je pense que Romano dit vrai. Je sais pas ce que t'en penses. Il y a un mec qui perlait dans l'avion non-stop à côté d'un type. Le type, il a porté plainte, en fait. Alors, un petit vol pour partir en vacances. Un mec qui pète à côté de lui et lui porte plainte. C'était Cédric Wall. C'est donc l'info de Carriole. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? L'autre qui sort de la monnaie dans son cul ou alors l'autre qui pète? On reste dans le trou du cul. Hein. Non, pas loin, oui. Oui, t'as vu. Alors, Ness, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dirais que Romano info et Carriole mytho. D'accord. C'est noté. Romano, est-ce que tu confirmes ton info? Eh bien, je confirme et c'est gagné. Bravo, et c'est gagné. Oh, et oui, Ness, tu gagnes l'iPhone 7 ce matin sur Sky. Oh la vache, je crois pas au final. Eh ben, bien joué. Oh, mais vous êtes géniaux, j'aime trop. Donc l'info du Canada, c'est comme si un mec qui bossait à la Banque de France ou aux fabriques des billets se les mettait dans le cul et puis il les sortait régulièrement. Il a sorti combien? 180 180 000 $. 180 000 dollars dans le trou de balle. Oui, mais alors il s'est en fait... une fois il s'est... Non, pas en une fois. Ah ouais, parce que dans ce cas-là, il a un trou du cul, c'est un placard. Hein. Non, mais il s'est fait griller parce qu'ils ont mené une enquête suite à la disparition des pièces. Oui. Et ils ont perquisitionné les casiers des employés. Et en fait, dans le casier, dans son casier, ils ont trouvé un pot de vaseline. Ah, pour faire rentrer les pièces. Les pièces d'or, il partait avec des pièces d'or dans le cul. C'est une tirelire, le gars. Ouais, c'est ça. Et au détecteur de métaux, ça sonnait plus régulièrement que les autres employés. Donc de là, ils ont déduit que le mec piquait. Ouais. Et pour l'info de Cariole, donc c'est pas un mec qui perlousait dans l'avion qui s'est fait attaquer par un autre voyageur. Mais tout simplement, c'est horrible, vous allez c'est voir. C'est horrible, c'est parce qu'il était obèse, donc il a demandé à changer de place, on lui a refusé et il a porté plainte. Voilà. Mais c'est horrible. Bah ouais, c'est horrible. Voilà, bah oui, c'est horrible. Oh putain, ouais. Et ouais. Merci pour l'info, Cariole. Bah de rien. Et bah bravo surtout à toi. Ouais. Ness, gros bisous. Merci beaucoup, bonne journée l'équipe. Il arrive à la maison à Mâcon, c'est ton iPhone 7. Merci, vous êtes géniaux, merci mille fois. Bah, c'est gentil, Ness. Bon, dans un instant sur Skyrock, vous allez pouvoir gagner 1 500 €. Allez, on a le temps, il est 7h31, on fait les infos et on écoute Maître Gims. Ouais, allez. On fait dans le sens inverse, on écoute Maître Gims, on fait les infos. Bon, 7h31, c'est l'heure des infos. Maître Gims arrive juste ouais. après. Avec Niska d'ailleurs, hein, parce que c'est un son de Niska, c'est sur l'album de Niska. Avec Maître Gims en featuring, c'est ce qu'on va retrouver tout de suite sur Sky après le point sur l'actu. Et notre météo à cette 7h30, 31, hein. Je fais demi, hein. Ouais. Ouais, c'est pareil. Allez, c'est bon. Allez, c'est parti. Le temps du jour, Rémi, c'est pas mal. Ouais, c'est bien la météo aujourd'hui. Il fait ah, beau, c'est pas mal. Ouais, c'est cool. Bah, dis donc. Alors. Non, il fait beau aujourd'hui. On a du soleil presque partout ce matin. Hormis à l'est, là où la grisaille est au rendez-vous, quelques averses possibles en Alsace et en Franche-Comté. Mais bon, ça ira mieux dans l'après-midi. Les températures ce matin comprises entre 8 et 18 degrés, 12 en région parisienne, de 20 à 27 cet après-midi. Et puis la pollution, c'est nickel. Les indices compris entre 3 et 4, ça monte tout juste à 5 en Corse, sur Bastia et Ajaccio. Ah, excuse-moi, ami, mais voilà, c'est les infos. Les infos. Bah oui, les déodorants sont-ils toujours dangereux pour la santé? Voilà une question qui fait peur alors qu'on parle d'un produit de très grande consommation. C'est en une du Parisien ce matin. Le pavé dans la mare est jeté par deux chercheurs suisses qui publient leur étude dans le journal international du cancer. Les déos qui contiennent du sel d'aluminium ont fait apparaître des tumeurs chez des cobayes. Les scientifiques estiment donc que le risque de cancer du sein est très réel. Les recherches sont menées depuis 2009. Une mutinerie hier soir à la prison de Valence dans la Drôme. Les détenus dénoncent leurs conditions de vie au sein de la maison d'arrêt. Deux surveillants ont été agressés et blessés. L'une des victimes a reçu plusieurs coups de poing au visage. Des dégradations ont été commises et les prisonniers ont tenté de mettre le feu. L'ordre est revenu en fin de soirée. La moitié de Salon de Provence privé de courant hier pendant une quinzaine de minutes. Deux adolescents sont montés sur un pylône électrique. L'électricité a été coupée volontairement pendant les opérations. Les deux jeunes hommes sont grièvement blessés. Une série noire ce week-end aux États-Unis. Plusieurs fusillades ont éclaté, dont deux hier près de Boston et au sud de Chicago. Le bilan fait état d'un mort et de quatre blessés, dont un grave. Une autre fusillade a éclaté à Baltimore. 8 personnes blessées, dont 4 grièvement. 3 suspects jugés dangereux sont activement recherchés. On parle sport maintenant avec du foot, mais aussi du rugby et du basket. C'est oui. bien complet. Ah oui, fin de la 7e journée de Ligue 1. Marseille prend un bon bol d'air frais en signant sa deuxième victoire de la saison. L'OM a dominé Nantes 2-1 hier soir. Les Marseillais sont 13e du classement, bien loin derrière Nice, leader qui a creusé l'écart. Les Aiglons n'ont pas tremblé contre Nancy à 1-0. Lille est bon dernier après s'être incliné 3-1 contre Saint-Etienne. Au classement, donc Nice, Monaco et Toulouse. Inutile de rappeler que Paris n'est que quatrième après s'être incliné vendredi soir 2-0 contre Toulouse. Et l'OM jouait contre Nantes. Non, c'est ce que j'ai dit. L'OM a dominé Nantes 2-1 hier soir. C'est bien. C'est ce que j'ai dit. Ah, excuse-moi. Oui, tu vas pas leur faire comme d'accord. Non. Je peux vous refaire tout. Non, ça va aller. On va passer au rugby, au basket aussi. Du rugby avec la fin de la 6e journée du top 14. Montpellier s'est imposé 42-13 contre Brive. Toulon s'en sort in extremis face à Clermont 23-21. Au classement, La Rochelle domine toujours les débats devant Clermont et Montpellier. Puis du basket avec la reprise de la Pro A. Strasbourg est tombé sur le parquet du Mans. Score final 73-71 en faveur des Sartois. Ce soir, c'est Limoges qui reçoit Dijon à 20h30. Merci Rémi. Et la suite de l'info avec le Tour d'Europe des stades. Si vous l'avez loupé à 7h, vous saurez tout à l'heure à 8h. Yep. 7h34 sur Sky. Et à 7h34, c'est l'heure de vous offrir 1 500 €. En direct de l'appart. The Morning Show. C'est le morning de default sur Skyrock. The Morning Show. Et attention aux pirates du net. Attention, on en reparle dans un instant. Les pirates du net sont à l'honneur. Ce matin, on retrouvera également notre loser ouais. ou notre loseuse du week-end. Ou alors notre winner ou notre winneuse du week-end. C'est le top lose, top win de 7h50 qu'on va retrouver tout à l'heure. Oui. Bah dans un quart d'heure à peu près. Hein. Pas de problème. Bon, avant ça, allez, le nouveau son de Niska et Maître Gims sont appelés de saper comme jamais. Ouais. Saper comme jamais. Jamais. Non, jamais. Ouais. On se rappelle. Bon, on retrouve le nouveau, le tout nouveau qui s'appelle Elle avait son Joe. Ouais. C'est une nouveauté Skyrock, une découverte Skyrock. On se passe tout de suite après vos 1 500 euros. Allez. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. C'est Skyrock. 1 500 euros dans ta poche. Oh putain, c'est trop beau. Maintenant. Ouais, et tout à l'heure, c'est Brian qui a eu une bonne nouvelle dès le réveil. Brian de Saint-Etienne qui a gagné 1 500 euros. Bravo Brian. Bravo Saint-Etienne. Bravo Brian. Bravo les Verts. Allez les Verts. Bon, on va voyager maintenant. Après Saint-Etienne, où est-ce qu'on va? Alors, on va à Malakoff dans le 92. Si vous nous écoutez dans le 92 et à Malakoff, c'est peut-être chez vous qu'on appelle. On appelle les Pérez-Munoz. Isabelle Pérez-Munoz. C'est parti. On arrive. On arrive. Il faut répondre Skyrock. Vous le savez, hein, dès qu'on vous appelle, vous répondez Skyrock pour gagner 1500 euros. C'est dans le morning, tous les matins. Allô, allô. Allô. Oui. Ah, c'est oui, pas Isabelle, vous. Non. Non, c'est pas Isabelle. Isabelle, non. Non, c'est pas Isabelle. Bonjour, monsieur Pérez-Munoz. Munoz. Oui. Oui. C'est la radio au téléphone. Nous, c'est la radio. Vous, vous êtes les Pérez-Munoz. Oui. On vous a oui. tiré au sort dans l'annuaire, c'est pour vous offrir de l'argent ce matin. Oh, écoute, je suis désolé, j'ai pas le temps du tout. Là, je suis en train de me préparer. Mais le temps, c'est de l'argent. Donc, prendre 30 secondes, même pas une seconde pour gagner. Non, non, sans façon, merci. Allez. Sans façon, tu es sûr. Tu es sûr, tu es sans façon. Au revoir. Laisse-toi aller, bébé. Sans façon. Non, ça ne veut pas. La dernière fois que j'avais entendu sans façon, c'était à la télé dans un vieux film. Ouais, mais là. Oui, non, sans façon. Non, merci. Non, je ne reprendrai pas de café, merci. Sans façon, merci. Bon, bah, désolé pour la famille Pérez-Munoz. Il aurait dû prendre une seconde. Il suffit d'une seconde pour gagner 1 500 euros. Même pas. Regardez. Quelle heure a-t-il donné ? Skyrock. Voilà, Skyrock, une demi-seconde, même pas. Une demi-seconde. Romano, l'argent, il le gagne encore plus vite que nous. Ah ouais. Bon, justement, les conseils pas chers arrivent. Les 1500 euros sont de retour dans une demi-heure. Faites comme Brian, vous répondez Sky. Et ces 1500 euros dans la poche. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Ah, y'en a plein qui sont dégoûtés là, qui nous disent oh putain, le con. Mais pourquoi il a pas pris un peu de temps? Il avait pas le temps sans façon. Bah ouais, sans façon. Allez, elle avait son Joe, c'est Niska et Maître Gims sur Sky. Elle voulait juste les papiers. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son Joe. Tu lui as tout donné. Tu payais même le loyer. Elle avait son Joe. Elle voulait juste les papiers. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son Joe. Elle a quitté le foyer. Tu la cherchais, mais elle avait son job. Inutile de le nier. Elle a volé ton cœur, sans même dire un mot. Tu ne peux plus l'oublier, ça y est. Elle connaît toutes tes peurs et tous tes défauts. Finis de jeter l'argent par la fenêtre. Sinon le diable va devenir ton proxénète. L'amour en t'aveugle va t'acheter des lunettes. Tu t'es perdu mais tu veux te marier. C'est triste à dire. Il voulait l'épouser. C'est triste à dire. Elle voulait le papier. Elle voulait juste le papier. Qu'elle t'aimait, mais elle avait son job. Tu lui as tout donné. Tu payais même le loyer. Elle avait son job. Elle voulait juste les papiers. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son job. Elle a quitté le foyer. Tu la cherchais, mais elle avait son job. Elle t'a rendu mou, on t'a conseillé, mais t'as fait le sourd. Maintenant à cause d'elle, endetté jusqu'au cou. Endetté jusqu'au cou. Endetté jusqu'au cou. Elle voulait juste les papiers. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son job. Et tu lui as tout donné. Tu payais même le loyer. Elle avait son job. Elle voulait juste les papiers. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son job. aussi bien que Maître Gims, t'as vu ça? Ah, j'ai cru que c'était lui, moi. Maître Gims et Niska sur Skyrock. Elle avait son Joe, le nouveau découvert sur Sky. Dans un instant, c'est DJ Snake qu'on va écouter. On écoutera aussi les 21 Pilots pour Ride. Ouais. Tout ça avant 8h du matin. Et avant 8h du matin, il va se passer plein de choses. L'horoscope de l'amour arrive. Et puis, on parlera également de la journée sans voiture. Bon, alors, qui a eu lieu à Paris? Ça a peut-être eu lieu aussi dans vos villes, parce que j'ai vu certaines villes de province qui avaient fait aussi la journée sans voiture. Mmh. Pas hier, hein, mais qui avaient fait la journée, ouais, déjà des journées sans voiture. Ouais, ça arrive régulièrement. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous êtes pour ou vous êtes contre? Parce que c'est un grand débat qui a agité les Parisiens, puisque hier, on ne pouvait pas rentrer dans Paris jusqu'à 18h. Vous êtes pour ou vous êtes contre une journée sans voiture, que vous soyez piéton, automobiliste? Moi, je suis les deux, hein, parce que bon, il faut bien marcher pour arriver à sa voiture. Temps, Donc, vous nous dites. Fais un petit sondage express pour en savoir plus et pour en reparler avec notre loser du jour qui a pas eu de chance hier, mais on en reparlera donc dans 10 minutes. Il y a 10 minutes pour voter. Journée sans voiture, pour, contre, et puis si vous avez un argument et que vous avez le temps de nous le laisser, vous nous dites pourquoi. Romano, t'es pour la journée sans voiture ou t'es contre? Bah, hier c'était mal foutu parce qu'à Paris, ils attendent merde. Ah oui, ils ont pas eu de chance. Ça a pas de chance, Anne Hidalgo, la maire de Paris. Hein. Ah, c'est con, hein, tu fais chier tout le monde et en plus, tu fais chier un jour IP. Non, mais il devait y avoir personne. Bah, je sais pas, dites-moi si vous l'avez fait. Bah, non, mais avec ce qui tombait sur les Champs-Élysées, à part les touristes. Les touristes, mais avec des parapluies. Hein. Ah, bah, ouais. Bah, je sais pas, il y a une photo dans le journal. Il y a pas grand monde, hein. Ah, mais bah, il y a pas plus longtemps. Comme on dit en Bourgogne, il y avait 4 clampins. Quatre clampins, comme ça qu'on dit en Bourgogne. T'es pour ou t'es contre, toi? Je dirais contre. Ouais, moi aussi, parce que j'en ai marre des interdictions. Donc, les interdictions tout le temps, ça me casse les couilles. Exactement. Voilà. Tu me l'enlèves de la bouche, Romano. Ça, c'est bien dit. Bon, allez, vos réponses très vite et on regarde ça. Pour la journée sans voiture, pour Nadia, c'est cool pour elle. Moi, j'ai pris ma voiture hier, il n'y avait pas d'interdiction, apparemment. Là où j'étais à Paris. Non, mais c'était pas tout Paris, hein, c'était les arrondissements centraux, je crois. C'est Blue. Bah, t'as eu de la chance, Blue. C'était dans un arrondissement extérieur, il y en avait pas, je crois. Ouais. Les politiciens, ils sont à pied, nous dit Kim. Ça y est, ça tacle, c'est bien. Allez-y, déchaînez-vous. 41759, Happy Skyrock pour laisser des messages. Bon, il est l'heure des conseils pas chers, il est 7h42. Attention aux pirates du net, faites gaffe. Oh, attention. Ouais. Bill Gates gagne $250 par seconde. Romano, lui, c'est une arnaque par seconde. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Bon, si vous avez internet, si vous allez sur les réseaux sociaux, faites attention. Attention. Parce que c'est, par exemple, ça, ce qui arrive souvent, un truc à la mode, c'est le vol, par exemple, de votre photo de profil pour créer d'autres profils qui arnaquent les gens. Donc tu te retrouves avec des profils que t'as pas créé toi, mais que ta photo dessus. Ouais, c'est ça, ouais. Attention à votre e-reputation. Réputation. E-reputation. C'est ça le mot. Ouais, c'est ça. Et il y a des sociétés, en fait, par exemple. Votre réputation sur Internet. Ouais, s'il y a des gens qui parlent mal de vous, tout ça, il y a des sociétés qui sont payées pour nettoyer votre réputation de merde sur Internet. Donc faites gaffe, les filles, par exemple, si vous êtes mignonne, que vous avez mis une super photo de profil, il y en a qui peuvent utiliser votre photo pour aller draguer. Pour aller draguer des personnes. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et ça se fait vachement. Il y a l'arnaque, là, les brouteurs, là. Ouais. C'est des mecs qui sont à l'étranger, en fait. Par exemple, ils draguent une meuf en France et ils lui disent, oh, je vais venir te voir, il faudrait que tu m'envoies 2000 euros. Bon, les meufs, elles envoient 2000 euros, évidemment, le mec ne vient jamais. Et ouais, ils utilisent des photos. Ouais. Ah, ben, ils utilisent des faux profils, ouais. Voilà, des photos pour. Des photos de profil pour créer deux faux profils. Eh bien, ce matin, je vais me servir de la peur des gens. Oui. C'est bien, là. C'est bien. Tu fais comme les hommes politiques. Tu pourrais être homme politique, ils font la même chose. Ouais, je vais me servir de la peur des gens. Je vais dire que je fais partie d'une société de nettoyage de l'irréputation. Yeah. Et je vais dire aux gens que leur photo de profil a été volée. Et pour la récupérer, il va falloir me donner un peu d'argent. Voilà, c'est bien ça. Et voilà, parce que je nettoie tout, moi. C'est bien. Je suis le nettoyeur, quoi. Le nettoyeur du net. Ouais. Fabrice, on commence. Donc, comment Fabrice. Fabrice, Ah bah ces photos elles tournent. Je dis qu'elles sont sur YouPorn. Ces photos tournent sur YouPorn. Non mais vous imaginez, vous mettez une photo, vous retrouvez sur YouPorn après. C'est pas le top. Horrible. Non, c'est clair. Allô. Oui, bonjour, c'est Eric. Fabrice. Oui, Eric. Fabrice, excuse-moi. Oui. Oui, bonjour, excuse-moi de te déranger, Fabrice. Oui. Je me présente, Monsieur Lapince, les nettoyeurs du net à l'appareil. D'Ivoire, j'ai repéré ta photo sur Internet sur des sites pornographiques. Ah bon? C'est toi qui les as mis ou pas? Ah non. Ah, bon, alors je me propose de nettoyer tout ça, là, pour une modique somme. Hein. Oui. Oui, 200 euros. Quoi? Ah bah oui. Seul le problème, c'est que ta photo, elle traîne partout. Il y a des mecs qui l'ont volée et qui l'utilisent. À des fins un peu scrupuleuses. Ah bah oui, puisque tu termines sur la vidéo à quatre pattes. Oui, j'aime ça. Oh là là là là là, attends là. Moi je vais porter plainte à la gendarmerie tout de suite. Ah mais ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Si. Non, parce non, que non. Là... Non, non, c'est... je veux pas. Bah, le mieux, c'est. Où est-ce que vous avez vu ça? Ah, bah, sur internet, YouPorn. Sur YouPorn. Ah, bah, j'y... alors là, et... j'y vais pas là-dessus. Non, non, mais c'est pas toi, tu sais, c'est des gens, ils utilisent tes photos pour, bah, pour attirer des gens sur, sur les sites. Hein. Attends, bouge pas, bouge pas. Ouais, ah ouais. YouPorn, également Jackie et Michel. Oh ah, oui. Ah, t'es sur Jackie et Michel aussi. Pornhub. T'es sur Pornhub. Mais j'ai jamais été sur des sites pornographiques. Hein. Et Face de Book. Tais-toi. Oui, et tu es également sur un site zoophile.com. Ouais, oh, c'est ça. Non. Ah si, un chien. Non. Si, allô, si, Fabrice, si, ils ont pris la photo de ton chien, ils l'ont mis sur le site à quatre pattes. Ah, c'est du joli. Et toi, t'es derrière. Non, non, non, non. Fabrice. Fabrice. Oh là, il est tombé. Ah, Fabrice, bah, attends, il va falloir me donner les 200 euros. Faut que je nettoie, moi. T'as vu tout ce que lui a annoncé, quand même. Non, mais c'est quoi ce cinéma? Ah, non, mais je vais à la gendarmerie. Non, non, mais ça sert à rien, tu sais, ça passe. Si, si, si. Non, bah, non, si, bah, je te dis que non. Ouais. Je vais pas. Ils savent pas faire. Comme ça, Non, non, mais ils savent pas faire. Gendarmerie, c'est déjà tous bourrés à cette heure-là. Ils savent pas faire. Moi aussi, des canulars aussi, je sais faire. Bon, ah, écoute, Fabrice, le mieux, c'est que je vienne avec ma serpillière, mon aspirateur, et puis je nettoie tout sur internet. T'as raison. Qui? Je sais pas, j'ai aucune idée. Et vous êtes qui? Je suis Monsieur Lapince, nettoyeur du net. Non, non, ouais, ouais, ouais, ouais. Non, ça, c'est un canular ou c'est une... Ah non, non, mais va voir sur Internet. Non, merci, au revoir. La femme de Fabrice sur YouPorn, y est ton mari? Tu sais que tu commences à être connu, monsieur Lapince. Faudrait peut-être te changer de pseudo. Ah ouais, ouais, bah non, mais c'est bon don. Hein. Monsieur Radin, monsieur Chauve, tu pourrais prendre. Ouais, non, laisse tomber, je vais. Parce que tu sais, tous ceux qui écoutent Skyrock, ils, au bout d'un moment, ça leur dit quelque chose. Ou elle avait dû entendre... Monsieur Lapince, monsieur Lapince, hop, hop, hop, hop. Bon, faites attention à votre irréputation, faites très très gaffe. Fabrice. Il faudrait peut-être le rappeler quand même pour lui dire parler de gendarmerie. Oui, on va lui dire. Ouais. Oui, oui, on va nettoyer tout ça. Après. Bon, on va nettoyer tout ça et dans un instant, notre top win, top lose du jour. Et oui, le loser du jour s'est retrouvé, malgré lui, dans la journée sans voiture, mais dans sa voiture. Donc il y a toujours un problème dans ces moments-là. Ah oui, oui. Donc vous êtes pour, vous êtes contre. On a. Attends, on a le sondage express là qu'on a lancé. On vous donne les résultats tout de suite. Et puis dans une minute, on retrouve l'horoscope de l'amour sur Sky. MHD. La sensation afro-trap MHD vous fait découvrir son nouveau single Akelenta, extrait de son premier album. L'album de MHD, toujours disponible. Carrefour. Franck, si tu passais à la foire au vin Carrefour pour découvrir la sélection de Paolo Basso, ça commence mercredi. Attends, Paolo Basso, le meilleur sommelier du monde 2013? Oui, et par exemple, pour une bouteille de vin Château Grayssac 2014 achetée, la deuxième est gratuite. Ah bah ça, c'est parfait pour ma cave. Dès mercredi, c'est la foire au vin dans vos hypermarchés Carrefour. Par exemple, pour une bouteille de vin Château Grayssac 2014 achetée à 13,90€, la deuxième est gratuite, soit 6,95€ la bouteille. Château Grayssac 2014, Médoc Cru Bourgeois, 250 000 bouteilles disponibles. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Allez, bon petit déjeuner avec vous. Château Grayssac. Voilà, bon appétit bien sûr. Pas mal au réveil. Et à 7h48, l'horoscope de ce lundi. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et l'horoscope de l'amour avec les puissances amoureuses de tous les signes, les Capricornes et les Gémeaux. On a 5 sur 5, c'est nous les meilleurs aujourd'hui. Mais comme super. Toi, Diffoul. En effet, la semaine démarre en beauté. Comme nous d'ailleurs, les Capricornes et les Gémeaux qui seront très en beauté et très chanceux en amour. Une super journée pour nous, 5 sur 5, on peut pas mieux. Les Verseaux, les Cancers, c'est super pour vous aujourd'hui. En couple, votre partenaire vous prouvera la force de son amour aujourd'hui. Wow, wow, wow. Et pour les célibataires, votre répartie fera fureur, facile de draguer. Et ben c'est tout easy pour vous, c'est pour les Verseaux et les Cancers. 3 sur 5, les Poissons et les Balances, bien pour vous. Vous aurez un bon contact avec les autres aujourd'hui, que ce soit au boulot, en amour, enfin dans tous les domaines de la vie, en famille aussi. Un Poisson Balance, 3, bon contact. 2 sur 5, c'est pas mal. Pour un 2, les Vierges et les Béliers. Évitez les promesses aujourd'hui dans le domaine sentimental et vous aurez une journée plutôt calme et tranquille. 1 sur 5, les Taureaux et les Lions. Pas trop envie de faire d'efforts pour vos amours. Il y a des jours comme ça où il faut laisser les choses venir. Laisser venir, on sait jamais. Et 0 pour les Sagittaires et les Scorpions. Mmh. Bah voilà. On a bien rigolé parce que tout à l'heure, on a la confirmation que Cariole était Sagittaire. Ouais, ouais. 0 la bulle. 0, que dalle. Voilà. Et Sam des réseaux sociaux. Pareil. 0 la bulle. Ouais. 0. Eh bah bravo. Scorpion, Sagittaire. Eh bah ouais. On aura du mal à vous comprendre aujourd'hui. Ne tournez pas autour du pot. Allez-y clairement. Franchement, dites franchement ce que vous dites et tout rentrera dans l'ordre. Eh bah c'est pas si mal que ça pour un 0. Allez. Bonne journée. Et puis dans un instant, notre loser du jour. Et on parle de la journée sans voiture. Donc c'était à Paris hier. Ça existe dans plein de villes en France. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? Les résultats surprenants du sondage express, ils arrivent juste après Justin Bieber. Avec DJ Snake. We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Justin Bieber qui s'est fait embrouiller. Je crois que c'est à Berlin qu'il s'est fait embrouiller, Justin Bieber, dans une boîte. Il y a un mec qui est venu, il était bourré, il lui prend la tête, le pauvre. Pauvre Justin Bieber, voilà. La vie de Justin Bieber est dure, hein. C'est dur parfois. Bah, la semaine dernière, il était content, il était joué au hockey avec l'équipe d'Amiens, quand il était en France. Oui, ça va, quand même. Oui, bon, ça va, il y a pire. Oui. Justin Bieber et DJ Snake sur Skyrock avec Let Me Love You. Il est 7h53. C'est l'heure de notre loser du jour et j'ai les résultats de notre sondage express. On parle de la journée sans voiture qui a eu lieu à Paris. Alors, c'est vrai que ça fait chier pas mal de Parisiens. Mais alors, le sondage du jour nous donne pour ou contre donc la journée sans voiture. Eh bien, le sondage est surprenant parce que contrairement à tout ce qu'on entend partout, vous êtes plutôt pour, vous. 63% pour, journée sans voiture le dimanche, hein. Ouais. Et 37% contre. C'est vrai que le dimanche, bon, écoute, pourquoi pas. Moi, j'avais pas besoin d'aller à Paris, donc je suis pour. J'aurais eu besoin d'aller à Paris, j'étais contre. Évidemment. Après, faudrait faire les transports gratuits, des trucs comme ça c'est bien. Y avait pas, non? Si, je crois, si. J'espère qu'ils étaient gratuits, les transports hier. Ils étaient gratuits ou pas? Rémi, des infos, vas-y, pars à la recherche des infos, là. Ouais, non, mais là, il est aux toilettes, donc il va pas chercher. Là, ouais, aux toilettes, il va pas trouver grand chose. Donc, niveau information. On ne sait jamais, un grand journaliste peut trouver des infos partout. Ah ouais. Et Rémi, notre grand journaliste, que vous retrouvez d'ailleurs dans 7 minutes sur Skyrock. Oui. Le temps de notre loser du jour. Qui est notre loser du jour? Le pauvre en plus. Il est venu nous voir à l'émission, il est cool en plus. Ah ouais? C'est Fabrice Eboué. Fabrice Eboué. Le loser du jour. Le loser du jour. Alors Fabrice Eboué, c'est un comédien. Oui. Je ne connaîtrais pas. Hein. Ouais, vous l'avez en photo d'ailleurs, parce que quand il est venu nous voir, on vous a fait des photos. Il est sur le difool.skyrock.com si vous voulez les mater. Ouais. Alors Fabrice Eboué coincé dans sa voiture à cause de la journée sans voiture à Paris. Donc il représente ceux qui ont galéré hier. Parce qu'il avait, oui, c'est oublié qu'il y avait la journée sans voiture. Où il pensait qu'il pouvait peut-être passer, tout ça. Écoutez-le bien, il a posté une vidéo dans sa voiture, coincée à cause de la journée sans voiture. Salut à tous, aujourd'hui c'est la journée Paris sans voiture. Ouais. Hein, c'est, je crois, Anne Hidalgo qui a eu cette belle initiative. Donc moi j'habite dans le 10e arrondissement. Et là, je ne peux plus rentrer chez moi. En fait. Voilà, il ne peut plus rentrer chez lui. Ah, mais normalement les résidents ils pouvaient rentrer chez eux. Ah oui, je comprends rien. Ouais, mais lui il devait aller chercher son fils qui était chez sa maman. Et donc il devait rentrer chez lui. Après il n'a pas pu rentrer chez lui. Ah, c'est donc, sympa ça. Donc il s'est retrouvé un petit peu en galère. Bon, c'est une journée qui est ratée, hein. Il pleut donc il n'y a plus personne. Ah là, il n'y a personne, ouais. Oui, là, bah, ça c'est clair. Il est tombé hier. Et les transports n'étaient pas gratuits, hein. Ah, et en plus bah, ça, qu'est-ce que c'est que ça, Anne Hidalgo, la mère de Paris. Non, et dis donc, grosse radine. Ah, t'es pire que Romano, dis donc. Non, mais attends, on fait chier le monde et on fait des transports payants. C'est des gros radins, la mairie de Paris. Ah, il y a mes radins, ouais, a priori, non, c'était pas gratuit. Hein. Donc Fabrice est boué, coincé dans sa voiture. Donc voilà, je suis bloqué comme un con, évidemment, il y a pas de place, puisque tout le monde a essayé de se garer comme moi, je n'aurais plus le droit de rouler. Ah ouais, c'est terrible. Donc un gros merci à Madame Hidalgo. Et vraiment, plus qu'une journée sans voiture, si on peut avoir une journée sans politicien, ce serait sympa. Peut-être 365 jours dans l'année. Même. Ça serait pas mal. Ou 364, on fera une journée avec la politique. Hein. Ben oui. Je l'ai dans le cul, moi. Bonne journée sans voiture. Wow. Voilà, bonne journée sans voiture. Eh Fabrice, si tu nous écoutes, la prochaine fois, prends les transports, c'est payant. Bah ouais. Ouais, c'est confirmé. Il y a Sandrine, je confirme que les transports étaient payants hier à Paris. Et Ananas 92, non, c'était pas gratuit, il y avait même des contrôleurs partout. Hein, sympa. Ah bah en plus. Bonne ambiance. Eh bah écoute, bonne ambiance à Paris. Non mais il a raison. Quand t'es en banlieue et que tu dois aller dans un endroit de Paris, parfois il te faut 10 connexions, 10. Ah bah oui, il faut changer de train, tout ça. Ouais. Et c'est pas simple. Bon, Fabrice, on est avec toi. Ouais. Bon, le loser ou le winner du jour, c'est tous les matins sur Skyrock, aux alentours de 8h-5. Il est 7h56. Et je crois que la prochaine, c'est dans un mois. Je crois que c'est une fois par mois maintenant. À tous les mois, il y a la journée sans voiture. Je crois, hein. Eh bien, écoutez, on vous tient au courant. C'est pas sûr. On vous tient au courant de toute façon. Les infos de Rémi arrivent. Le Tour d'Europe des stades, on va en reparler aussi avec le foot dans les infos. Et vos 1 500 €, c'est tombé il y a une heure. On était chez Brian à Saint-Etienne. Ouais. Bravo, Brian. Il a gagné 1 500 €. C'est peut-être votre tour, hein. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire, hein, au 720-20. Vous envoyez 1 500 au 720-20 pour augmenter vos chances de gagner. On vous appellera peut-être. Vous répondez Skyrock, la seule radio qui vous offre 1 500 € toutes les demi-heures dans le morning. Hier, je me suis aperçu que mon phare avant droit ne fonctionnait plus et je voudrais changer l'ampoule toute seule pour réduire mes frais. Eh bien, commandez dès maintenant vos ampoules de phare sur oscaro.com. Oscaro vous propose tous les modèles d'ampoules, quelle que soit la marque de votre véhicule, jusqu'à 2 fois moins cher. Merci du conseil, Oscaro. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Je viens faire les courses avec toi. Chez Auchan? Bah évidemment, chez Auchan. Depuis quand tu veux m'aider, toi? C'est important de venir t'aider, pousser le chariot, porter l'eau. Et surtout prendre la PS4. Mais Auchan, on fera une Uncharted 4 si on prend la PS4, maman. Ça va, j'ai compris. Chez Auchan, jusqu'au 15 octobre, la PlayStation 4 et Uncharted 4 sont à partir de 299,99 €. Offre valable sous certaines conditions, voire produits éligibles en magasin.

Merci McFly. Non mais c'est vrai qu'à l'est de la France, vous n'êtes pas les mieux lotis maintenant en fait. Hein. C'est mieux si on est à l'ouest aujourd'hui. C'est vrai, c'est mieux, c'est vrai. Mais bon, vous allez tout savoir parce que Rémi, il sait tout sur la météo. La météo arrive. Le réveil de Star avec Pascal le grand frère. Ah, il a une belle invitation il y a une heure. Ça s'est bien passé avec la famille de Nicolas. Magnifique. Pascal le grand frère est de retour dans un instant sur Skyrock. Le grand frère Pascal, il arrive. J'espère qu'il est de bonne humeur. Hein. Bonjour déjà, ça va? Oui, oui, oui, ça va. Il est toujours un peu froid, Pascal. C'est Pascal. Hein. C'est Pascal. Ah, c'est Pascal, c'est bien ça. Ça va, petit con? Oh, ça va bien, ça va bien. Bon, on est prêt pour les infos. Mon ami, ça va être chaud, le coup de fil. Ouais. Je vous dis que ça, c'est à 8h10 pour le réveil de Star. N'oubliez pas, 8h20, on aura un invité mystère à découvrir. Mais avant ça, eh ben, l'actu, Rémi, c'est parti. Ouais. L'actu et le sport. Eh ben, et la météo d'abord. Eh ben, un début de semaine plutôt agréable, hein, du soleil quasiment pour tout le monde ce matin. Mais c'est vrai qu'à l'est, il y a encore de la grisaille. Des averses même possibles en Alsace et en Franche-Comté. Mais rassurez-vous, si vous êtes dans l'est, ça ira mieux dans l'après-midi. Les températures ce matin comprises entre 8 et 18 degrés, 12 en région parisienne, de 20 à 27 cet après-midi. Et puis la pollution, c'est nickel. Les indices compris entre 2 et 4, ça monte tout juste à 5 en Corse sur Bastia et Ajaccio. Ah bah ça c'est grâce à la journée sans voiture. C'est certain. Ah bah c'est sûr, hein, dans toute la France les indices. Jusque là-bas, quoi. Les indices sont meilleurs. Hein. Justement, on en reparle tout de suite. Voici les infos, Rémi. Avec la pollution justement et cette baisse significative hier à Paris. C'est sûr. Oui, la qualité de l'air a été largement améliorée suite à la journée sans voiture. Mais c'est parce qu'il pleuvait, ils nous prêtent vraiment pour des gogos. Eh bah c'est vrai qu'il pleuvait. Hier, bah, ça nettoie le ciel quand il pleut. À Sceaux dans le 92, Romano il nous dit qu'il pleuvait. Le déluge. 650 km de route interdite aux véhicules et 30% de dioxyde d'azote en moins constaté par Air Paris. L'impact est donc apparemment positif, même si l'initiative n'a pas été bien perçue par tout le monde. La mairie de Paris compte bien renouveler l'opération à une date qui n'est pas encore déterminée. Vous étiez 63% pour la journée sans voiture et 37% contre. La France entière a voté ce matin. C'était sur avant. Ah oui, c'était là. Bah, oui, c'est bah, c'est oui, c'était avant les infos. Et bien, on a fait ça il y a 5 minutes. J'étais aux toilettes. Pardon. Pendant que t'étais aux toilettes, c'est ça. Paris, il en est toujours question avec cette proposition du groupe écolo. Pourra-t-on bientôt se promener tout nu dans la capitale? C'est en tout cas une volonté des Verts qui va porter. C'est la saison en plus, hein. Qui vont porter le sujet au Conseil de Paris cette semaine. Le groupe estime que la capitale a beaucoup de retard par rapport aux autres grandes villes. Alors plusieurs lieux sont en cours de réflexion, comme les buts de Chaumont, le bois de Boulogne ou encore le bois de Vincennes. Bon, pas sûr que l'on puisse bientôt faire qu'un avec la nature, mais on ne sait jamais. On verra à l'issue du Conseil de Paris, ce sera jeudi. Deux Niçoises de 17 et 19 ans interpellées et placées en détention. L'arrestation date de mi-septembre, mais on ne l'a appris qu'hier via Le Parisien. Les jeunes femmes étaient en contact avec Rachid Kassim et auraient eu un projet d'attentat. Elles ont expliqué en garde à vue avoir pris peur et faire machine arrière. L'une des deux prévenues était déjà dans le radar des autorités. Elle s'apprêtait à rejoindre la Syrie pour y faire le djihad. La moitié de Salon de Provence privée de courant hier pendant une dizaine de minutes. Deux adolescents sont montés sur un pylône électrique. L'électricité a été coupée volontairement pendant les opérations. Les deux jeunes hommes sont grièvement blessés mais conscients. Du banc de touche au banc des prévenus, Serge Aurier est attendu au tribunal aujourd'hui. Le défenseur du PSG est jugé à Paris pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'affaire avait fait grand bruit. En mai dernier, l'international ivoirien aurait refusé de se soumettre à un contrôle après une soirée en boîte. Après s'être énervé, il aurait mis un coup de coude à un policier avant de passer 24 heures en garde à vue. Une version que conteste Serge Aurier qui affirme lui avoir été frappé à la lèvre et au front. Du foot toujours, mais sur les terrains maintenant avec la fin de la journée de Ligue 1 et de la Ligue 2 et le Tour d'Europe des stades. Ouais, Marseille prend un petit bol d'air frais en signant sa deuxième victoire de la saison. L'OM a dominé Nantes 2-1 hier soir. Les Marseillais sont 13e du classement, mais loin derrière Nice, leader, qui a creusé l'écart. Les Aiglons n'ont pas tremblé contre Nancy 1-0. Lille est bon dernier après une défaite 3-1 contre Saint-Etienne. Au classement donc Nice, Monaco et Toulouse. Inutile de rappeler que Paris n'est que 4e après s'être incliné vendredi 2-0 contre Toulouse. La fin ce soir de la 9e journée de Ligue 2. Reims se déplace sur la pelouse de Brest. Le coup d'envoi sera donné à 20h30. Et puis le Tour d'Europe des stades comme tous les lundis matin sur Skyrock. 6e journée de première ligne ce week-end. Manchester United s'impose 4-1 contre Leicester avec un but inscrit par Pogba. Manchester City a dicté sa loi à Swansea 3-1. Liverpool a largement dominé Hull City 5-1 et défaite de Chelsea 3-0 contre Arsenal. Au classement, les Gunners qui sont 3e derrière Tottenham et Manchester City. En Espagne, c'est Antoine Griezmann qui donne la victoire 1-0 contre le Deportivo La Corogne. Une victoire donc de l'Atlético Madrid. Le Barça a laminé le Sporting Gironde 5-0. 0-0 avec un doublé signé Neymar. Match nul, 2-2 entre le Real et Las Palmas malgré un but de Benzema. Au classement, la Maison Blanche est en tête devant le Barça et l'Atlético Madrid. En Allemagne, le Bayern est en tête du classement après donc le 1-0 de ce week-end contre Hambourg. Enfin en Italie, l'AS Roma a chuté 3-1 contre Torino. Match nul, 1-1 entre l'Inter de Milan et Bologne. 0-0 entre la Fiorentina et Milan. La Juve reste leader après s'être imposée 1-0 face à Palerme. Très bien, et Naples, je crois, toujours deuxième. Ils ont gagné tous les deux samedi. Merci Rémi pour les infos. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il est 8h07 déjà. Allez, l'heure de vous offrir 1 500 €, c'est maintenant. Salut, salut, D-Fool, c'est Maître Games. D-Fool en Skywalk. Dur de rendu ici le Big Black M en personne dans le morning de D-Fool. C'est Jules la crise au mic, mec. Bienvenue dans le morning de D-Fool. Le morning show. 6h09 sur Skyrock. Ils se réveillent tous avec nous. Bonjour à Jeff qui se réveille avec nous aussi. Bonjour Kevin, bonjour Sandrine. On te fait un gros bisou, Sandrine. Il y a Laura qui nous embrasse aussi. Bonjour Laura, Mehdi, Thomas. Tous les messages que vous nous envoyez au 41759 ou sur l'appli Skyrock, ils arrivent directement ici dans le studio. Coucou. À l'appart. Romano vous fait coucou. Coucou tout le monde. Voilà, dis bonjour à nos auditeurs qui sont là. Tiens, bah, je vais dire bonjour à Lalu, à 6-6-60-27, à Deldel. 6-6-60-27. Jeff du 59. Encore, mais Jeff, il envoie 10 000 messages. Bonjour Ness, bonjour Mimi également. Salut à toi Mimi, Jeff. Mehdi, Thomas, Sandrine. Merci, merci, merci à tout le monde. Et pour la suite, attention, attention. 1 500 € à gagner et le réveil avec Pascal, le grand frère. Il y a une heure, on a eu une belle invitation et ça fait plaisir. Ah oui, c'est beau. Qu'est-ce que ça va donner dans 5 minutes? On verra ça. Mais bon, d'abord, Romano, j'ai vu que tu as l'enveloppe entre les mains. Il faut ouvrir cette enveloppe. Allez, c'est parti. Il y a un chèque de 1 500 € pour vous. C'est parti. Mode d'emploi pour choper 1 500 €. Bonjour, c'est qui? Tu fous le tapel? C'est pas possible. Tu réponds Skyrock. Tu gagnes. Oui, ouais, mais t'es tout tremblant, Romano, quand tu as de l'argent dans les mains. C'est fou, ça. Ah ouais, ça m'excite. T'es nerveux? Non mais ça va, non Pascal ça va, très bien. Ah mais il veut savoir si t'es énervé parce que tu trembles de partout. Non, ça va, tout va très bien. T'es sûr de ça? Oui, je suis certain, merci Pascal. Il va t'en mettre une, hein, tu vois. Oui, mais du calme Pascal. Oh là. Tu te comportes comme un enfant de 5 ans. Bah oui, il se comporte comme un enfant de 5 ans avec un jouet. Ouais, et là attention, destination Brest. Et c'est Eva Dio. Eva Dio. Ouais. Et la radio qui offre 1 500 € toutes les demi-heures. C'est Skyrock. C'est tombé il y a une heure chez Brian. J'espère que ça va être aussi bien à Brest chez Eva. Allez, ma chérie Eva, faut répondre. Allô? Oui, bonjour Eva. Salut Eva. Oui, salut. Salut, comment ça va? Ben ça va. Ça va. T'as l'air sympa, toi, dis donc. T'as l'air contente de recevoir un coup de fil. Ouais, je suis super bien, moi, le matin. Bon, c'est bien, mais je sais pourquoi tu es super bien. Enfin, j'espère que tu vas te donner la bonne. Oui, on espère savoir, oui. J'espère que tu vas pas répondre RTL. Mais je vais te demander, Eva, quelle est ta radio préférée? Parce qu'on est en direct à la radio pour t'offrir 1 500 €. T'as tiré au sort. Si t'as la bonne, tu gagnes 1 500 €, Eva. Oh, sérieux? Je suis en train d'halluciner, là. C'est Skyrock? Ben oui, Eva. Bravo, Eva. C'est gagné. Je le sens. Et je le sentais à ta voix, Eva. Ouais, t'as gagné 1 500 €. Bien joué. C'est bien. Tu repasses... Ah putain, c'est bon ça. Ah bah je sais que c'est bon, hein. J'aimerais bien tester moi aussi. Un jour, vous voulez pas que je reste à la maison? Vous m'appelez, je fais le test des 1 500 € moi aussi. Ce n'est pas possible. Ah c'est gentil Eva. Bah en tout cas le chèque il est pour toi ce matin. Bien joué, tu es la deuxième gagnante de ce lundi matin, ouais. Eva. Oh putain, c'est un truc de fou. C'est tombé à Saint-Etienne tout à l'heure. Et toi t'es à Brest, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, je suis à Brest. Il paraît qu'il fait beau ce matin en plus à Brest. Mais oui, c'est trop beau, c'est trop bien la Bretagne. Oui, t'as vu, tout le monde dit les mauvaises langues. Moi j'ai un ami, il est chauve et de Bourgogne, il arrête pas de dire qu'il arrête pas de pleuvoir en Bretagne. Non mais les statistiques parlent. Les statistiques. En tout cas, ce qui tombe ce matin en Bretagne, c'est pas la pluie, c'est les 1 500 € qui arrivent à la maison. Tu fais quoi dans la vie, Eva, toi? Éducatrice sportive. Très bien. Ah, une sportive en plus. On est fait pour s'entendre, Eva. Un peu comme toi, D-Fool. Exactement. Je comprends que tu écoutes Skyrock tous les matins, Eva. Et oui, c'est génial. Car je suis un grand sportif. Pourquoi tu rigoles, Pascal, le grand frère? Et lui, il arrive. Je crois que c'est ton gabarit. Ah, c'est quand j'ai dit je suis un grand sportif. Ok. Bon, Eva, les 1 500 € très vite à la maison, ils arrivent. On t'envoie ça. On te fait un gros bisou. Ne raccroche pas, hein, histoire de vérifier tes coordonnées. Ouais. Tu reçois vite ton chèque. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Ah ouais, et puis il y a Nana 29 qui est très jalouse. Ah ouais. Quelle tristesse d'entendre Brest et de ne pas entendre son nom et son prénom. Oh. Ah, bientôt, Nana. Une prochaine fois. Eh ben, on salue tous les Bretons et toutes les Bretonnes. Vous avez été bien représentés ce matin. Merci. Bisous, Eva. Bisous. Ciao. Le morning de D-Fool sur Skyrock. Le morning qui fait... Oh là, le rêve. Dès le réveil. On vous appelle, on parle radio au téléphone Skyrock et c'est ce qui va se passer à 8h30. Oh là, à 8h30, encore 1 500 €. Oh là. Ouais, on n'arrête pas. Il y a Ken Jones, il n'en revient pas d'ailleurs, tiens. Ken Jones, qu'on écoute tout de suite avant le réveil de star de Pascal. Tell me this.

Sky, c'était Rihanna et ça a fait plaisir à Véro. Merci, ma chanson préférée, super la réveil. On t'embrasse, Véro. Bah, c'était pour toi, Véro. Bah, spécialement pour toi, Véro. Ah. Exactement. Et Diamond in the Sky, ça fait plaisir à Steph, ça fait plaisir, elle nous dit, Steph, 26 ans. Ouais, c'est bien ce titre. Enfin, bisous, il y a eu plein de messages là. Buzz, lui, il est dans les bouchons, il nous a envoyé une photo des bouchons à Toulouse. Bon courage, je kiffe. Ouais, tu dis ça au troisième degré. Hein, parce ouais, que je pense, ouais. Je vois que c'est bien, bien bouché sur la photo que tu nous as envoyée. Vous pouvez envoyer vos photos hein, aussi avec l'appli Skyrock, ça marche, on reçoit ça tous les matins. Et c'est gratuit. On va retrouver notre invité mystère ce matin. Un invité mystère, alors ça je savais pas, mais il est radin. Ah. Moi les radins, je sais pas ce que t'en penses Romano. Alors, entre nous, hein, on se le dit franchement parce qu'on est en direct sur Sky et sur Skyrock, c'est la radio de la vérité. Ouais. Moi les radins, ça me fatigue. Bah, parce que tu vas te fatiguer toi-même. Y a pas moi, parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Moi, radin. Moi. Ah, mais t'as un radin, ouais. Ah, moi, j'en connais un, il est pire que moi. Ah, bah, moi, je ne me considère pas comme radin. Voilà, vous entendez moi, j'ai rien à dire. Voilà, là, tu restes bouche bée. Je reste sans voix. Ah, bouche bée. Bah, attends, hier, qui c'est qui a payé la lessive? Hein, Romano a payé la lessive, vous allez en entendre parler pendant un mois, il va nous faire chier avec sa lessive pendant un mois. Et qui c'est qui t'a payé le resto? Hein bah, ouais, en fait, Romano, il a compris. Il lui paye la lessive, ça coûte que dalle. C'est ça. À côté, attends, tu rigoles, ça coûte grave cher la lessive. Je me rendais pas compte que c'était si cher. Ah bah c'est la première fois qu'il achète de la lessive de sa vie. C'est ça, voilà. C'est ça les radins. Non, c'est pas Danny Boone notre invité mystère. Attendez que je vous passe le son de sa voix. Ah oui, déjà. Parce qu'il y a le film qui sort radin là. Ouais, bah, j'ai eu plein de messages avec Danny Boone. Je dis mais comment ça se fait que vous proposez Danny Boone? Il y a l'inconnu qui nous propose Danny Boone. Il sort cette semaine, je crois. Il y a Doudou du 5-9 qui nous propose Danny Boone. Il y a Cléo qui nous propose Danny Boone également. Le beau gosse qui dit moi aussi je suis radin. Bah vous allez voir. Vous allez entendre plutôt. Vous avez un point commun avec notre invité mystère du jour. Allez, l'invité mystère. L'invité mystère. L'invité mystère. What? C'est pas Philippe Candeloro qui est grave radin. Ah ouais, aussi, lui, c'est pas un souci. Alors, dès que vous entendez sa voix, et dès que vous avez reconnu sa voix, surtout, vous nous envoyez vite vos messages au 41759 ou sur l'appli Skyrock. Voici notre invité mystère. Et je vous dirai pourquoi il est radin dans un instant. Hello everybody. Hello, l'invité mystère. Ah ouais, lui, il est radin, lui. Tu l'as reconnu? Bah oui. Bah, on voit un message. Bah, moi, j'ai comme pas ça. Reconnu. T'as pas reconnu, Cariol? Attends, elle t'a même pas reconnu. Ah, ça y est, si, si. Ah, il se fout de ta gueule, mais c'est ouf. Bon, vous l'avez reconnu, vous. Eh bien, envoyez vite, vite, vite, vite, vite un message. Et vous pourrez gagner votre iPhone 7 et vous pourrez dire... Merci, Skyrock. Ah, facile, c'est ça. Hein. Ah, vous pourrez dire merci, Skyrock. L'iPhone 7 a chopé, l'invité mystère à découvrir. Vite vos messages. Et dans un instant, on en reparle. Pourquoi il est... En plus, il y a une belle surprise ce week-end. On a plusieurs trucs à vous dire sur lui, là. Les dernières nouvelles de l'invité mystère. Allez, 8h24, c'est Skyrock, c'est le morning. On vous souhaite un bon lundi. Bah, pourquoi tu cries? Tu viens d'apprendre que maman venait ce week-end. Mais non, je suis énervé, là. Je viens de me raser avec un bit 3 lames, ça rase super bien. Bah alors, pourquoi tu t'énerves? Eh bah parce que j'ai payé le prix fort pour mes rasoirs pendant des années, alors que le bit 3 lames rase très bien, tout en douceur. Et pour pas cher! Les rasoirs Bic 3 lames, être bien rasé? Oui! Se faire tondre? Non! En ce moment, retrouvez Bic 3 et Bic Flex 3 Confort en promotion dans votre magasin. Quand on aime, on ne compte pas. Mais avec Miniservice, quand on aime, on compte. On compte sur le savoir-faire des experts, on compte sur la qualité des pièces et grâce à des prix bas, on compte les économies réalisées. Et ça, ça compte, non? Ceux qui aiment leur mini, choisissent Mini Service. Jusqu'au 25 novembre 2016, pour l'entretien et la révision, bénéficiez d'un tarif préférentiel sur une sélection de prestations d'entretien. Valable auprès de nos concessionnaires et réparateurs agréés Mini participant à l'opération. Liste disponible sur mini.fr. Mini. Elle offre des réductions jusqu'à moins 50% et de quoi plaire à 100%. Des jupes pour les mamans et des t-shirts pour les enfants. Des robes habillées, des jeans décontractés. Elle, c'est la semaine renversante chez CEA. Et c'est jusqu'à moins 50% jusqu'au 4 octobre. CEA. Valable sur une sélection d'articles stickés. Voir conditions en magasin et sur c-a.com. Jiffy des idées de génie. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Étonnant, pour les 35 ans de Jiffy, Jiffy nous fait gagner 35 millions d'euros. Oui, oui, 35 millions d'euros à gagner. C'est simple, c'est gratuit. Tu joues, tu gagnes et surtout, n'oubliez pas de me remercier. Jiffy des idées de génie. Jouez en téléchargeant l'appli Bravo Loto, 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Les 4 semaines les moins chères de France commencent demain chez Intermarché. Tentez de gagner votre voyage de rêve d'une valeur de 10 000 euros à composer vous-même et des milliers d'autres cadeaux. Pour jouer, gagnez des jetons à chaque passage en caisse. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalité complète, règlement et magasins participants sur intermarché.com. Du 27 septembre au 23 octobre. Ah, La Redoute présente la Shopping Week. C'est parti pour une nouvelle saison et ça démarre fort avec moins 40% sur la nouvelle collection. Manteaux, bottines, déco, linge de lit, toutes les nouvelles tendances sont là pour toute la famille à des prix irrésistibles. En ce moment, je bénéficie de prix incroyables à moins 40% sur des milliers de produits mode et maison de la collection automne. Livraison offerte en relais colis et à domicile sans minimum d'achat et retour gratuit. Voir conditions sur laredoute.fr. Leclerc. En ce moment chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, le téléviseur LED Ultra HD 4K ailleurs, 102 cm, est à 299 euros. T'as acheté une télé. Tu m'étonnes, une télé comme ça, à ce prix-là. Du 27 septembre au 1er octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le téléviseur LED Ultra HD 4K 102 cm ailleurs, avec 50 euros de réduction immédiate, est à 299 euros, dont 2,24 euros d'éco-participation après réduction. Voir modalité dans les magasins participants et sur le site i-tech.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat. Allez, l'invité mystère, on le retrouve tout de suite. Il est 8h28 sur Skyrock. L'invité mystère. What? Ah, l'invité mystère, il est super, l'invité mystère. Ah, il est radin en plus. C'est dingue ça, je savais pas qu'il était radin comme ça. Hello everybody. Hello, l'invité mystère. Hello everybody. Ça va? Ça va, quand même? Ça va très bien. Ça va bien. Oui, ça va, ça va. Alors, vous l'avez reconnu, enfin, il y en a un qui l'a reconnu avant tout le monde. C'est Kevin de Bordeaux. Salut Kevin. Salut Skyrock, salut toute l'équipe. Salut. Comment ça va? Oh mais ça va, hein, ça va, ça peut caler mieux là. Ah bah oui, c'est vrai, quand on se retrouve à l'antenne à cette heure-ci, qu'on c'est a lancé l'invité mystère juste avant, c'est plutôt bon signe. Alors ouais. C'est pas Jean-Claude Van Damme, c'est pas Drake, c'est pas Will Smith, parce qu'il y a eu plein de bonnes réponses, mais aussi les mauvaises réponses. C'est pas Robert De Niro. Il y a Kunder qui nous dit c'est Robert De Niro. Non. Mais il est radin? Oui, non, je sais pas, peut-être, c'est pas Usher non plus. C'est pas Doc Gynéco, mais non, c'est pas Doc Gynéco. C'est pas Omar Sy, non. Mais non, c'est pas Omar Sy. Alors, qui est notre invité mystère? Vas-y, dis à tout le monde, Kevin. Alors, c'est Zlatan Ibrahimovic. Exactement, Zlatan Ibrahimovic. Confirmation, Zlatan? Je ne suis pas Zlatan. Mais si, c'est Zlatan. Mais si, c'est toi. Il nous fait une petite blague. Zlatan Ibrahimovic. Bien joué, Kevin. On te l'avait promis, on te l'envoie maintenant. L'iPhone 7. Mais c'est cool. Bah, il est pour toi. C'est cool, c'est gentil à toute l'équipe, merci beaucoup. Et tu l'essayes, tu nous diras s'il déchire l'iPhone 7. Hein. Ah ben, il n'y a pas de raison. Hein. Le prix déchire, heureusement, il est gratuit sur Skyrock tous les matins. T'es le deuxième à gagner ce matin l'iPhone 7. C'est bien. Ah bah écoute, la semaine commence bien alors, c'est cool. T'as vu, il faut se réveiller avec Skyrock tous les matins. Ah oui, tous les matins, tous les matins. La journée démarre bien et en ce lundi, la semaine démarre bien pour toi. Tu sais pourquoi je parle de lui en disant que c'est un gros radin comme Romano? Non. Ah moi les radins, j'aime pas ça. T'as des potes radins toi aussi? Oh, il y en a toujours. Tu arrives à les supporter parce que moi j'ai de plus en plus de mal, hein, vraiment. Ces gens qui sont pleins d'argent et qui refusent de t'en donner. Quoi, plein d'argent, ça va pas non plus. Tais-toi. Tais-toi, je dis ce que je veux, Zlatan. Je n'ai pas peur de toi, Zlatan. C'est par rapport avec son dernier salaire, là, ou qu'il doit de la thune au PSG aussi? Alors, il doit de la thune au PSG. Alors, il doit de la thune au PSG et le PSG, donc, a récupéré son argent. Ils ont retenu 30% du dernier mois de salaire de Zlatan Ibrahimovic. Ouais. Ce qui a énervé Zlatan. Mais on a enquêté un petit peu et ça a été fait de manière justifiée parce qu'en fait, au moment du transfert de l'AC Milan au PSG en 2012, le club de la capitale, le PSG, a payé au fisc italien les taxes que Zlatan avait oublié de payer. Ah, ils sont gentils. Il n'avait pas payé ses impôts, Zlatan, en Italie. Et donc, c'est le PSG qui a réglé tout ça. Il a signé un papier, Zlatan, s'engageant par écrit à rembourser le PSG un jour. Le problème, c'est que Zlatan... Pas remboursé. Il a oublié. Oublié de rembourser pendant 4 ans. Bon, bah, lorsqu'il s'est barré à Manchester United, le PSG a retenu son salaire et ça a beaucoup, beaucoup énervé Zlatan. Énervé. Zlatan a perdu de l'argent. Zlatan ne perd jamais. Eh ben si, Zlatan, si, tu as perdu des sous. Tu as perdu des sous, Zlatan. Mais ça chiffre en combien? Mais ça chiffre en centaines de milliers d'euros, mon pauvre Romano, des centaines de milliers d'euros. Ah, putain, moi je comprends qu'il ait les boules. Hein. Qui, Zlatan? Mais bah, c'est chier, quoi. Mais oui, mais c'est son fisc, c'est ses impôts, c'est lui. Bah, non, mais bon, le PSG, ils ont payé, ça va, ils ont assez de sous. Ils ont assez de sous, mais lui aussi, il est plein de sous. J'ai vu les radins. Il va faire un club avec Zlatan. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Zlatan is the best. Je sais, Zlatan. D'ailleurs, j'en sais un appel, si le PSG voulait payer mes impôts. N'hésitez pas à appeler Romano. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Il vous signera un papier, il fera comme Zlatan. Ouais. Il vous remboursera jamais. Bon, il y a un truc qui est marrant, je sais pas si tu as vu ce week-end, si tu suis un peu Zlatan. Il y a un mec qui est rentré sur le terrain lors du match Manchester United-Leicester. Ils ont gagné 4-1 d'ailleurs. Et donc un type qui a fait irruption sur le terrain, qui allait voir Zlatan. Et le mec, c'est le sosie, enfin sosie rentré dans un camion, hein. Sosie de Zlatan. Regardez la photo. C'est vrai, là aussi, il y a quand même un air de ressemblance. Oui, il lui ressemble. Et Zlatan est allé le voir, il a rigolé. Zlatan, dégage, il y en a qu'un, Zlatan. Zlatan, il y en a qu'un, Zlatan. En plus, il l'a dit. Hein. Il n'y a qu'un, Zlatan. Voilà. Ouais. Donc, et bien, son sosie est arrivé. On va vous mettre la photo parce que ça, c'est marrant. Ouais, ouais, non, mais ça va. Elle y est déjà. Photo ou vidéo. La photo y est déjà. Allez. Ah, bah, c'est parfait. C'est Allez voir sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux. Skyrock FM pour nous trouver sur Snap, sur Facebook. Snap, d'ailleurs, c'est plus chat, hein, vous avez vu? Non, c'est le nom de la société. Oui, c'est plus chat, c'est juste Snap tout court. Ouais, mais l'appli reste Snapchat. Snapchat, mais faut dire Snap. Autrement, t'es un gros ragard. Ah, Snap, c'est Snap. C'est Snap. Bravo en tout cas pour l'iPhone 7, c'est fait. On t'envoie ça à Bordeaux, Kevin. Merci. Merci, salut. Salut tout le monde à Bordeaux. Ciao. Salut, ciao. Salut, salut. Ciao, ciao. Salut, Kevin. Et amuse-toi bien avec ton iPhone 7. Ah ouais, merci. Ciao. Qu'est-ce qu'on fait? Il est 8h32, on va faire les infos là avec Rémi. Et puis dans un instant, on va retrouver Drake. Pour One Dance. Et les 1500 euros qui arrivent. Et puis vomi, vous avez vu, les radins ils pensent qu'à ça. Bah oui, c'est toutes les demi-heures. Et le nouveau The Weeknd aussi avec Daft Punk que vous avez découvert dans le morning la semaine dernière. On vous l'a passé à 6h du matin en exclu. Et bien on l'écoute encore avant 9h. Et tout de suite à 8h32, c'est parti pour l'actu, c'est parti pour la météo pour aujourd'hui. Ouais, et Zlatan, c'est 600 000 euros pour le fisc. C'est cher. 600 000 euros. Ah ouais, ça fait chier. Ouais. C'était une bonne somme. Vous avez vu, les solidaires avec lui, tu le comprends. Hein. Ah ouais, ça fait chier de donner 600 000 balles. Ouais. Romano, Zlatan, même combat. Ouais. C'est bien, Zlatan. Merci, Skyrock. Bah de rien, Zlatan. Allez, la météo pour aujourd'hui. Heureusement, on a des bonnes nouvelles. Hein. Voilà, du soleil presque partout aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'à l'est, il y a un petit peu de grisaille ce matin. Même peut-être quelques gouttes de pluie en Alsace et en Franche-Comté. Mais vous inquiétez pas, ça ira mieux. Dans l'après-midi, les températures ce matin comprises entre 8 et 18 degrés, 12 en région parisienne, de 20 à 27 cet après-midi. Et puis la pollution, c'est nickel. Les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 en Corse, sur Bastia et Ajaccio. Les conseils pas chers arrivent. Si vous avez d'ailleurs des petits tuyaux pour Romano, n'hésitez pas à lui les donner. Oui, oui. Est-ce que vous avez des astuces pour faire des économies? Dites-nous. Romano s'occupe de tout. Dans un instant, mais d'abord l'actu et le sport. La journée mondiale de la contraception aujourd'hui, l'occasion d'en savoir un peu plus et de se renseigner davantage sur les différents moyens qui existent. C'est la pilule qui reste le contraceptif le plus utilisé. 4 femmes sur 10 avouent l'avoir déjà oublié. En France, une grossesse sur 5 reste non désirée et 210 000 femmes ont recours chaque année à l'avortement. Les hôpitaux probablement au ralenti aujourd'hui. Les opérations les moins urgentes pourraient être reportées. Conséquence d'un appel à la grève lancé par les syndicats des médecins hospitaliers. Le mouvement se poursuivra sans limite de durée. Au cours des prochaines nuits, les déserts médicaux sont constatés dans les campagnes mais aussi dans les hôpitaux. Du coup, l'intersyndicale entend rendre les établissements plus attractifs. Elle demande une meilleure appréciation du temps de travail et une revalorisation des carrières. Une visite qui était très attendue, elle a lieu aujourd'hui à Calais. C'est François Hollande qui se rend sur place. Au programme, rencontre avec des élus, des chefs d'entreprise ou encore avec les forces de l'ordre. C'est la première fois de son mandat qu'il est à Calais. Le chef de l'État qui vient de déclarer que la région du Calaisis est éprouvée par une situation qui dure depuis trop longtemps. 1h30 sans pub et qui pourrait bien changer la face du monde. C'est la nuit prochaine qu'aura lieu le très attendu débat de la présidentielle américaine, le premier. Hillary Clinton pour les démocrates, Donald Trump pour les républicains qui se feront face à face pour la première fois. Erreur interdite pour les candidats puisque 100 millions d'Américains sont attendus devant leur petit écran. C'est autant que l'audience du Super Bowl. Ah ouais. La préparation a été différente des deux côtés. Simulation de débat depuis un mois pour Clinton tous les jours alors que Trump préfère lui l'improvisation. Bien évidemment, les sondages seront scrutés à la loupe dès demain. Et on en reparlera demain matin dans le morning dès 6h. Eh ouais. On fait le point sur le sport. Avec le foot. Ouais. Allez, Marseille qui prend un bon bol d'air frais en signant sa deuxième victoire de la saison en fin de 7e journée. L'OM a dominé Nantes 2-1 hier soir. Les Marseillais sont 13e du classement, bien loin derrière Nice, leader qui a creusé l'écart. Les Aiglons n'ont pas tremblé contre Nancy, 1-0. Lille est bon dernier après une défaite, 3-1 contre Saint-Etienne. Au classement donc, Nice, Monaco et Toulouse. Et puis un premier titre pour Lucas Pouille. Le joueur de 22 ans est considéré comme l'avenir du tennis français. Le nordiste a remporté le tournoi de Metz contre l'Autrichien Dominic Thiem, 10e joueur mondial, victoire en 2-7, 7-6, 6-2. Et merci Rémi, il est 8h35 sur Skyrock, c'est l'heure des 1500 euros. En direct de l'appart, c'est le morning de Default sur Skyrock. The morning show. Une astuce pour gagner de l'argent ou pour faire des économies, c'est ce que je vous ai demandé. Et alors on a reçu, je sais pas, 10 messages à la suite, ils disaient, bah moi j'écoute Skyrock et je veux gagner 1500 euros. C'est vrai, c'est une bonne combi. Pas mal comme astuce, nous dit Dez sur SMS. Ouais. Pas mal, bonne idée. C'est Désiré qui nous a envoyé ça, sympa Désiré. Bon ben j'espère que ça va marcher pour vous. C'est tombé déjà deux fois ce matin, hein. On n'a pas perdu notre matinée, vous non plus d'ailleurs, hein. Eva a gagné à Brest, c'était il y a une demi-heure. Et puis il y a une heure et demie, c'est Brian de Saint-Etienne qui gagnait son chèque de 1500 euros. Ils ont tous les deux répondu Skyrock. Ben voilà, bravo. C'est ce qu'il faut faire quand on vous appelle, dès qu'on vous parle radio au téléphone, vous répondez Skyrock, on vous demande quelle est votre radio préférée, c'est pour Skyrock. Vous. Et vos astuces pour gagner de l'argent, on va y revenir, quels sont les petits trucs que vous faites pour faire quelques petites économies. Et là, je vais vous expliquer comment les marques nous grugent. Ah, ça c'est bien, ça dénonce ce matin sur Skyrock. Elle nous gruge. Nous sommes grugés par des marques. Je vais vous expliquer leur combine. Très bien, et tu vas combiner toi aussi, j'imagine. Ah bah bien sûr, après je vais aller me plaindre. Bon, conseil pas cher à retrouver. On aura la compile du morning aussi à retrouver avant 9h. La compile du morning. Ah bah c'est les petites erreurs qu'on fait qui aboutissent à une catastrophe. Ah, on en reparlera, je serai un petit peu plus précis dans un instant, mais tout de suite, allez, on perd pas de temps, 1500€ à gagner. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. 1500€ dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Et on va voir dans quelle région on va aller. Il y a Angela de Corse qui veut qu'on aille chez elle. Bah pourquoi pas. Inscrivez-vous au 720, vous envoyez 1500 au 720 pour augmenter vos chances de gagner, on sait jamais. Tout à l'heure, c'est qui s'était inscrit? C'est Brian ou c'est je sais plus. Attends, je vais te dire ça, non. Alors, on y va pour les 1500€. Alors, Ryan. On va où ? Ryan. De Saint-Etienne. Bravo, le Stéphanois. Eh bien, on va à Limoges, Romano. Attention, les Limoges. Non, pas du tout. T'as pas de famille à Limoges ? Non, je connais personne là-bas, mais c'est pas grave. Alors, les Limougeaux. On va dans le 87, chez la famille Jabsinski, c'est ça. Jean-Pierre Jabsinski, 1500€. Allez, Jean-Pierre. Il a Sky dans son nom à la fin, mais avec un I. Mm-hmm. On peut l'appeler Jean-Sky. Allô. Bonjour, monsieur Jean-Sky. Allô. Jean-Pierre. Oui. Oui, bonjour Jean-Pierre, comment vas-tu? Qui est à l'appareil? Qui est à l'appareil? C'est la radio, Jean-Pierre, on est en direct à la radio. Salut JP. Bonjour. On t'appelle, on t'a tiré au sort ce matin, Jean-Pierre. Attendez, je vous crois pas trop, là. Ah si, c'est du sérieux, là. Je t'assure, t'es à la radio. On t'a tiré au sort pour t'offrir 1500€. Ah bon, alors, je dois répondre à quoi alors? Alors, il faut répondre la bonne réponse. Je vais te demander, Jean-Pierre, c'est logique, hein, comme je t'ai vu. Quelle est ta radio préférée? Si t'as la bonne réponse, justement, Jean-Pierre, tu repars avec 1500€. Flash FM. Ah, c'est la radio de Limoges. Oui. Bonjour aux collègues. On salue nos collègues de Flash FM. Nous aussi, on est à Limoges. Mais c'est pas Flash FM, c'était Skyrock, Jean-Pierre. Skyrock. Bon. Eh oui. En plus, t'as ski dans ton nom. C'est un peu comme Sky, tu vois, mais avec une faute, puisqu'il y a un I alors que c'est nous avec un Y, mais c'est pas mal sinon. Ouais. Oui. Faut venir nous écouter. Bien sûr, oui. Bah, si, regarde, ouais. Jabsinski. Tu vois, tu mettrais un Y à la fin, ça va être Jabsinski et ça serait super. Le mec est en train de se barrer. Il s'est barré d'ailleurs. Il s'est barré. Bon, bah, Jean-Pierre, à la prochaine alors. Hein. Jean-Pierre, il est vex. Voilà. Bah, merde, j'ai Sky dans mon nom, j'ai répondu. Il s'est trouvé tout con. Hein. Ouais. Bon, bah, désolé pour Jean-Pierre, on garde le chèque pour le prochain coup. Le prochain coup, c'est peut-être pour vous. 1500 pour augmenter vos chances de gagner. Et si vous êtes feignant, bah vous n'envoyez pas 1500 ou 720. Et peut-être qu'un jour, on vous tirera dans l'annuaire, hein, peut-être demain, à n'importe quel moment du morning, on gagne 1500€. C'est toutes les demi-heures, c'est tous les matins. L'argent encore, les astuces pour les économies, les marques qui nous grugent. On en reparle juste après Drake et One Dance. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et ouais, parce que le meilleur son est sur Sky aussi. Hein. Baby, oui. I like your style. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, take it slow, make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Des gros poum poum poum, faut avoir des grosses basses dans la voiture ou à la maison pour entendre le poum poum poum de la fin. Bon bah là il y a plus de poum poum poum là. Bah si, écoute. Oui mais c'est pas les mêmes poum poum. Non, c'était Drake avec One Day. J'adore ce morceau Drake. Alors maintenant moi je vais dénoncer. Alors si tu veux Romano, vas-y. Les marques nous grugent. Il est à bout de nerfs depuis qu'on a parlé des impôts de Zlatan tout à l'heure. Les marques nous grugent. J'ai demandé des petites astuces pour faire des économies. Alors il y a DG qui nous laisse un message et qui nous dit: moi je fais payer ma meuf, elle est généreuse et sa famille est riche. Ah bah t'as bien raison. DG, 20 ans, qui nous envoie un petit message. Merci à toi, DG. Moi, je n'achète que des trucs avec des promotions, nous dit Angela sur SMS. Notre Corse qui nous envoie un message tout à l'heure. Tu vois, hier, ma lessive. D'ailleurs, c'est même pas de la lessive que j'ai acheté, c'est des capsules de lave-vaisselle. Ah. tu fais ta lessive avec des trucs pour du lave-vaisselle. Non, c'était parce que c'est moins cher. C'est pour le lave. Non. Eh ben, hier, j'ai fait une promo. J'en ai acheté deux pour le prix d'un. Et bravo. Qui c'est qui l'a trouvé la promo? Bravo Romano. C'est Cariole. Bravo Cariole. Cariole est à quatre pattes dans les rayons parce que les promos souvent sont tout en bas. Ah voilà un petit tuyau donc. Pour trouver les bonnes promos, faut regarder en bas. Ouais. Et, ouais. Et donc j'ai acheté deux paquets pour le prix d'un, j'étais fier. Oh bravo. Ça m'a fait ma journée. Jessica, pour faire des économies, elle est dans le 91. Elle va sur le net et elle trouve les panels de consommateurs. Ça marche bien et ça permet de faire des économies. Ah oui, ça des fois ils t'envoient des produits gratuits qui viennent de sortir, comme ça tu les testes et tu donnes ton avis et c'est gratuit. Pas cher. Voilà où tu réponds à des enquêtes et c'est gratuit, pas cher. Ouais. Pas mal vos idées là. Oui, moi j'achète que des sous-marques, comme ça coûte moins cher. Bah, de toute façon, des fois les sous-marques c'est fabriqué dans la même usine que les vraies marques. C'est Calimero qui nous envoie ça. C'est pas bête. Vous êtes bien. Alors, si vous avez des conseils à donner pour faire des économies, on en reparlera tous les matins dans le morning. C'est à 40 de chaque heure. Hein. Ouais, donc on a de quoi en parler. Hein. Vous retrouvez le moment des radins, le moment de ceux qui aiment. Économiser des sous. Ouais. Alors, et là, attention, je dénonce, les marques nous grugent. Alors, les marques nous grugent, mais comment elles nous grugent, les marques? Ben, en fait, c'est un truc, mais ça fait déjà quelques temps qu'ils le font. Par exemple, un paquet de gâteaux. Ouais. Au lieu, plutôt que d'augmenter le prix, ils diminuent la quantité à l'intérieur du paquet et ça reste au même prix. Ah, et les gens, psychologiquement, ils ont l'impression de faire une affaire, mais pas du tout. Ah, par exemple, si t'achètes un paquet de cigarettes, par exemple. Ouais. Bah, plutôt que d'augmenter le prix des cigarettes, ils en mettent 19 au lieu de 20. T'as tout compris. Ah, ils laissent le même prix, mais ils te mettent une cigarette en moins. Alors, j'ai mené mon enquête, par exemple. Vas-y, enquête. Les Princes de Lu. Ouais. Le paquet avant, il pesait 330 grammes. Maintenant, il en pèse plus que 300 grammes. Mais toujours au même prix. C'est des malins. Vu. Jockey, le fromage blanc de chez Danone. Oui, très bon le Jockey. Ouais, très bon. Le problème, c'est que le pot d'un kilo, il pèse plus que 850 grammes. Et il y a beaucoup de marques qui font ça. Par exemple, la grenadine. Ouais. Avant, c'était un litre. Bah, maintenant, ils ont réduit. 75 centilitres. Et voilà. Et ils laissent le même prix. Et bon, par contre, moi, j'ai acheté du papier toilette. J'ai remarqué qu'il y avait moins de feuilles parce que je les ai comptées. Parce que Romano compte toutes les feuilles du papier qu'il achète pour savoir si on le gruge pas. T'as raison. Eh bien, ce matin, direction les supermarchés, je vais me plaindre. Le prix n'a pas bougé. Il y a moins de feuilles de PQ. Eh bien, je demande un dédommagement financier. Bah, en fait, les marques, elles ont suivi tes conseils, quoi. Tu serais PDG d'une marque, tu ferais ça. Ouais, je dirais, allez, on réduit de moitié, on laisse au même prix. Le papier cul, il n'y aurait plus qu'une feuille dessus, vous savez. Voilà, ah, bah oui, c'est le même prix. Il n'y a plus qu'une feuille, c'est le même prix, hein, ça n'augmente pas. Bon, vos idées pour les conseils pas chers, c'est super. Regardez, à ma liche, je me douche. À la salle de sport, comme ça, je paye pas l'eau. Non, mais vous êtes des malades. Ah, pas bête, hein. C'est grave, toi. Non, mais ça, c'est bien, ça. Il y a Morgan, il achète ses maillots de foot au Portugal parce que c'est moins cher. Ah ouais, vous êtes malin, vous avez plein d'idées qui déchirent. Bon, on note toutes vos idées, j'ai pas tout lu hein, parce qu'il y a tellement de messages, mais on les garde pour demain et tout au long de la semaine. Oui, mais Morgan, ce qu'il achète, les maillots de foot, parce que là j'ai lu le message jusqu'au bout. Ouais. Mais en fait, il y a pas le logo des marques, donc c'est des faux. Ah oui, d'accord, ok. C'est comme les maillots à acheter. Je m'étonne qu'ils soient à 50% en Italie ou au Maroc, c'est ouais, moins cher. C'est ça, ouais. Ok. Bon allez, conseil pas cher, qu'est-ce que tu fais pour gagner des sous? Eh bien, ce matin, je vais aller me plaindre, j'ai compté mes rouleaux de PQ, il y a pas assez de feuilles. Il y a moins de feuilles que la dernière fois. Il y en manque. Allez, go. Il y a des contrefaçons. C'est de la fraude XX. XXL. Le musée de la contrefaçon à Paris. Les plus anciennes contrefaçons connues à ce jour. Jamais on a vu un marché de la contrefaçon de cette taille. Nous, on a l'original. Romano et ses conseils pas chers sur Skyrock. Et oui. Garantie 100% authentique. Oui, 100% oui. Authentique et 100% contrefaçon aussi. Très bien. Alors, c'est parti. C'est parti chez les Français. Ah non, je suis parti dans les magasins. Ouais, oui, dans les magasins, bah, je me plains. On commence avec Promo Cash. Promo Cash, acte de bonjour. Oui, bonjour madame. Allô ? Oui, je vous écoute. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, j'ai acheté du papier toilette chez vous. Oui. Dernièrement, et j'ai remarqué une chose, le prix n'a pas bougé, par contre, il y a moins de feuilles sur les rouleaux. C'est qui me fait une blague, là ? Ah non, bah, c'est pas une blague, madame, je suis un honnête consommateur. Je compte les feuilles sur les rouleaux de papier toilette, et j'ai remarqué, il y en a 10% de moins. D'accord, bah écoutez, je vous laisse voir directement avec Promo Cash au niveau national. Vous pouvez pas me faire une ristourne? Non, du tout. Bon, je cherche un rouleau de PQ gratuit. Oui, oui, c'est qui? Dans vos toilettes, vous avez bien du PQ, bah, je le prends, hop. Qui? C'est Monsieur Lapince à l'appareil. Monsieur Lapince? Oui, Monsieur Lapince. D'accord. Chef des consommateurs en colère. Je viens chercher du rouleau de PQ chez vous, madame. Allô? C'est le mec qui se magale, en fait. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Monsieur Lapin se moque jamais, hein. J'ai même envie de vous dire, l'autre fois, j'ai acheté un paquet de salades sous vide. Ouais. Il y avait 3 feuilles en moins par rapport à l'habitude. Allô? Allô? Promo Cash? Ah, elle était mal. J'ai cru que c'était une blague, mais pas du tout. C'est du sérieux. Quand tu lui as balancé la salade, elle était mal. Hyper eu. C'est les gros commerçants. Oui. Bonjour, pour mieux vous servir, votre magasin Hyper-U Agde est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h30. Le commerce qui profite à tous. Les nouveaux commerçants. Ah, on connaît nos classiques, hein. On est bien dans le groupe en plus. Bonjour, pour mieux vous servir, votre magasin. Bon, je crois qu'ils sont pas là, hein. Ah si. Hyper-U Agde, Céline, bonjour. Ah, bonjour Céline, comment allez-vous? Bien, merci. Comment t'allez-vous, A.U. Ben oui. Bon, dites voir, je vous appelais. Petit souci, j'ai acheté du papier toilette la semaine dernière. Oui. Oui, j'ai compté les feuilles. Il y en a moins qu'auparavant. Ah mince. Sur chaque rouleau. Le problème, c'est que c'est plutôt embêtant. Le prix... Ah ben, ça, je me suis retrouvé dans la merde, c'est le cas de le dire. Et oui. Ah ben oui, m'en doute. Heureusement qu'il avait acheté de la salade chez vous, parce qu'il a pu s'essuyer avec d'autres feuilles. Les feuilles de salade, mais d'ailleurs, les feuilles de papier cul. D'ailleurs, en parlant de la salade, j'ai remarqué il y avait 4 feuilles en moins par rapport à l'habitude. Pour le même prix, ma bonne dame. Ah bon? Alors, est-ce que ce matin, je pourrais venir me faire un petit caddie gratuit? Offert par Super U, les nouveaux commerçants. Ah non, ça va pas le faire. Ou au moins, prendre un rouleau de PQ. Ça non plus. PQ. Une salade gratuite. Non plus. Je suis un habitué, j'ai la carte. Non plus. J'ai la carte de fidélité. Je vais passer, je vais prendre le rouleau de PQ que vous avez dans vos toilettes. D'accord, si vous voulez. Ah bah c'est très bien. Je vous l'offre. Ah, c'est super comme... U. Merci. Vive U, vive le PQ. Et vive les nouveaux commerçants. Et merci beaucoup U, j'arrive dans la matinée. D'accord, très bien. Je viendrai te faire un bisou, Céline. D'accord, très bien. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous, bisous. Et Skyrock t'embrasse, hein, Céline. Oui. Merci. Bisous. Au revoir. Céline. Salut Céline. Eh ben elle est sympa cette Céline. Bah voilà, très bien, rouleau de PQ. C'est quand même la moindre des choses. Les nouveaux commerçants. Bon, t'as vu tous les messages qu'on a reçus, Romano? On en a beaucoup reçu. Oui, on vous a demandé comment faire des économies, quels étaient vos petits tuyaux à vous. Eh bien on en reparlera dans la semaine, évidemment sur Skyrock. Restez bien là, et puis si vous avez d'autres tuyaux à envoyer, c'est tous les matins au 41-759 ou sur l'appli Skyrock dans les conseils pas chers à 42 chaque heure. Ouais. Ah tiens, tu vois, il y a quelqu'un qui a remarqué l'arnaque avec les produits qui sont plus petits qu'avant. C'est qui? J'ai acheté. Attends, remonte un tout petit peu l'écran, s'il te plaît. Attends, mais ça défile trop vite. Hop, là. GG, oui. J'ai remarqué l'arnaque cet été avec les glaces Magnum et les extrêmes qui sont beaucoup plus petits et toujours aussi chers. Eh ben la preuve. Bien vu. Ouais, bien vu. Bon, dans un instant, la compile du morning. Alors on va parler des petites erreurs qu'on peut faire. Par exemple, je sais pas, vous voulez vous laver les dents et en fait, au lieu de mettre du dentifrice sur votre bordel, vous mettez... Du shampoing. Ouais, voilà, c'est que vraiment vous êtes dans le cul. Ah, bien dans le cul. Quoi, vous êtes... Donc, les petites erreurs qui ont abouti à des catastrophes ou à des problèmes. Ouais. On a la compile avec des infos qui sont tombées récemment. On vous a compilé tout ça. Si vous aussi, vous avez fait une petite erreur. Romano, tu t'es pas lavé les cheveux avec la crème dépilatoire de Carriole? Bah si, mais malheureusement, ça n'a jamais repoussé. Ah bah, j'ai vu. Hein, ouais. C'est terrible. Il n'y a plus les cheveux, là. Bah, donc, si vous avez fait une petite connerie comme ça, vous avez utilisé un truc à la place d'un autre, vous nous faites signe. On y revient avant 9h, promis. Et puis, on a l'horoscope qui arrive dans une minute, là. Oui. Je viens faire les courses avec toi. Chez Auchan? Bah évidemment, chez Auchan. Depuis quand tu veux m'aider, toi? C'est important de venir t'aider et pousser le chariot. porter l'eau. Et surtout prendre la PS4. Mais Auchan offre Uncharted 4 si on prend la PS4, maman. Ça va, j'ai compris. Chez Auchan, jusqu'au 15 octobre, la PlayStation 4 et Uncharted 4 sont à partir de 299,99€. Offre valable sous certaines conditions, voire produits éligibles en magasin. Elle offre des réductions jusqu'à moins 50% et de quoi plaire à 100%. Des jupes pour les mamans et des t-shirts pour les enfants. Des robes habillées, des jeans décontractés. Elle, c'est la semaine renversante chez CEA. Et c'est jusqu'à moins 50% jusqu'au 4 octobre. CEA. Valable sur une sélection d'articles stickés. Voir conditions en magasin et sur CEA.com. Ah, vous êtes vraiment des fans de Romano, hein. Je vois Adilovic qui nous dit, moi, je vais aux toilettes des magasins. Comme ça, Romano, tu récupères les rouleaux de papier et pas cher. Non, mais ça, j'ai déjà fait, ouais. Oui, il le fait à Sky, t'inquiète. Oui, parfois, je suis pas le seul. On se retrouve sans papier. Je suis pas le seul. Oui. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de papier à Sky. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, c'est l'heure de l'horoscope à 8h52. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et pour pas se faire escroquer, comparer toujours les prix au kilo, c'est le message de Shrek. Salut Shrek. Même Shrek nous écoute le matin. Bonjour à toi Shrek. Allez, on y va pour l'horoscope. L'horoscope de ce lundi. C'est parti pour les puissances amoureuses de tous les signes. Et pour le zéro du jour, c'est les Sagittaires et les Scorpions. Ouais. On pourrait avoir du mal à vous comprendre aujourd'hui. Ne tournez pas autour du pot. Dites clairement ce que vous pensez. Clairement, et tout rentrera dans l'ordre. 1 sur 5, les taureaux et les lions, vous avez envie de vous faire une journée tranquille. En gros, pas envie de faire des efforts pour vos amours, il y a des jours comme ça. Laissez les choses venir, on sait jamais. 2 sur 5, les vierges et les béliers, évitez les promesses aujourd'hui, surtout dans le domaine sentimental. 3 sur 5, les poissons et les balances, vous aurez un bon contact avec les autres aujourd'hui. Bon contact avec vos amis, bon contact au boulot et bon contact avec vos amours aussi. 4 sur 5, les verseaux et les cancers, si vous êtes célibataire, c'est votre répartie qui va faire fureur, vous avez les bonnes punchlines aujourd'hui. Et pour les couples verseaux et cancer, c'est votre partenaire qui vous prouvera la force de son amour. Vous vous sentirez aimé aujourd'hui. Bah ouais, beau cadre. Wow. Et un très très beau 5 pour les gémeaux et les capricornes. Mais comme toi, dit Foul. En effet, nous démarrons la semaine en beauté, un peu comme nous. Ouais. Beauté, nous aussi. Très beau, très beau. Bravo les beaux gémeaux, bravo les beaux capricornes, les belles gemelles et les belles capricornettes. On a tous 5 aujourd'hui. Il est 8h53, la compile du jour. Ah ouais, vous êtes déjà planté. Eh ben, n'hésitez pas. Moi, je me suis planté de numéro de téléphone en essayant d'appeler ma meuf. J'ai rappelé mon ex. Ah ouais. Ah ouais. C'est pour rentrer dans notre compil ouais, du peut, jour. Ouais, ça peut. Allez, la compile arrive. On a du lourd là pour vous ce matin. 8h54. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Ah, et ça, c'est le nouveau The Weeknd avec Daft Punk, ouais. Découvert sur Skyrock. The Weeknd Daft Punk. Il est super ce morceau, écoutez bien. Ça s'appelle Starboy. Et c'est sur Skyrock, dans le morning. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Belly point 2 just to hurt you. All red lamb just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main bitch out of your league to. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table, come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Now she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me. Every day a nigga try to end me. Pull off in that roadster SV. Pockets overweight, getting hefty. Coming for the king, that's a far cry. I come alive in the far time. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, sun bumping new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table, come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Let a nigga brag pit, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. Switch on my car if I kill any pain. Look what you done. Super ce morceau, hein. The Weeknd, le retour de The Weeknd, découvert sur Skyrock. Le son de The Weeknd avec les Daft Punk qu'on vient d'écouter, c'était Starboy. Il est 8h57 et c'est l'heure où on retrouve tous les matins notre compile du jour. La compile du morning de Default sur Skyrock. Et ouais, la compile du morning avec un nouveau rendez-vous, donc depuis la rentrée, le rendez-vous de la compile. J'aime bien ce nouveau rendez-vous. Ouais, c'est bien, on apprend des choses. Alors, on apprend des choses avec des infos du monde entier. Aujourd'hui, on a compilé les confusions qui causent des problèmes. Par exemple, Romano qui a utilisé la crème dépilatoire de Cariole pour se laver les cheveux, ça se voit. Mais non, je m'épile pas. Ah oui, mais Romano, lui, il s'est trompé. Et ouais, donc ça peut poser des soucis. Par exemple. Mais c'est toi qui avais essayé de... Non, mais ça, c'était volontaire. Ah, parce que au lieu d'utiliser de la mousse à raser, Romano, t'avais mis de la crème dépilatoire. Non, parce qu'en fait, raser, ça me fait chier. Raser. Ouais, c'est chiant, c'est long, bon. C'est long. Ouais, imagine les meufs qui se font les jambes, la touffe. Les dessous de bras et moi le visage je trouve ça long et parfois le nombril, le torse quand elles sont très velues entre les seins, tout ça, c'est tout abordé. Tu sais que j'ai une copine qui avait des poils jusqu'au-dessus du nombril. Ah ouais, c'était pas la mienne, hein. Ouais, moi j'ai connu une fille avec du poil au téton. C'est la première fois de ma vie que j'en voyais. C'est moi. Bravo Cariole. Non, c'est pas moi. Bon, attends, qu'est-ce que je disais du coup? Ah oui, j'avais mis de la crème épilatoire sur le visage. Je me suis dit, ouais, ça va aller plus vite. Putain, ça m'avait arraché la gueule, j'avais des cloques et tout. Ouais. J'étais rouge écarlate. On avait rigolé, on l'avait vu arriver le soir. Mais j'avais la gueule en feu. Mais qu'est-ce que t'as fait, Romano? T'as couché avec Cédric? Non, pas du tout, non. Cédric est très... un problème de peau. D'ailleurs, tiens, Cédric sera de retour avec nous ce soir en direct. Dans la radio libre entre 21h et minuit, parce que vous êtes plein à nous demander des nouvelles de Cédric depuis qu'il s'est cassé la clavicule. Bon, on l'entend au téléphone. Et les 4 cuts. Et les cuts cassés aussi, oui. Donc, c'est un pilote. Donc, on aura des nouvelles ce soir. Pilote de moto, ouais. Et il sera même avec nous dans le studio ce soir. Ouais, il va faire un passage. Ouais, il va venir nous voir. Il est en mauvais état, je vous le dis. On l'a vu vendredi matin avec Cariole. Alors? Ah bah déjà, on est arrivé, il nous a accueillis torse nu. Ouais, moi aussi, chaque fois que j'y vais, il m'accueille torse nu. Putain, je le regardais, mais c'est incroyable. Incroyable le corps qu'il a. C'est un Simpson. Vous voyez, Homer Simpson torse nu, c'est le même. Ah ouais. Le même, hein. Des gros tétons. Ah. Et là, le bras en écharpe. En fait, le bras, il avait pas besoin d'écharpe. Il est posé sur son bide. Voilà. Et bon, je vous passerai l'hygiène de son appartement. Ouais, ah bon, on en parlera ce soir. Ouais, ouais. Non, parce que c'est bien de dire la vérité à tout le monde. Vous êtes plein à nous demander des nouvelles. Et ben, c'est normal que vous ayez des nouvelles. Ce soir, 21h minuit, retour de Cédric dans la radio libre, à pas louper. Ouais. Bon, allez, 9h du matin, la compile, on y va? Numéro 3. Alors, les confusions qui causent des problèmes. On va parler d'une mère de famille qui a confondu des gouttes pour les yeux. Avec quoi, d'après vous? Parce qu'elle avait mal aux yeux, elle voulait se mettre du collyre, en gros. Ouais. Et donc, elle a confondu les gouttes avec autre chose. De l'huile? Non, pire. Attends, un truc qui pourrait ressembler à du collyre. Je sais pas, du dissolvant. Du gel douche? Non, du dissolvant, ça peut être pas mal. Du gel douche, non. Avec de la colle pour les faux ongles. Ah ouais. Dans la salle de bain, sur le lavabo, il y avait les deux posés à côté de l'autre. Ah ouais, elle aurait dû faire gaffe. Et donc, elle s'est mise, donc, ses gouttes, soi-disant pour les yeux. Non, c'était de la colle pour les faux ongles. Elle est restée 8 jours avec l'œil fermé. Bah, école, elle aurait dû le garder ouvert. Alors, on passe au numéro 2. Numéro 2, une femme qui se retrouve à l'hôpital pour avoir confondu la mousse à cheveux avec... Mousse à raser? De la mousse à raser, non. Bah, de la mousse à cheveux, je sais pas, une colle en mousse. De la chantilly? Non. Ah, non plus. Chantilly, non, parce que la chantilly, ça se nettoie. Ça a posé quand même des problèmes. Le problème que ça a posé, c'est qu'elle a fini à l'hôpital. Crème dépilatoire? Eh bien non, elle a confondu la mousse à cheveux avec de la mousse isolante pour les fenêtres et les portes. Oh non. Le problème de cette mousse-là, c'est que ça gonfle. Ah mais oui, c'est des trucs genre pour isoler, tu mets ça et après ça fait une réaction chimique et, oui. Et ça... Ça gonfle et puis ça sèche super vite. Ah mais elle devait avoir une belle coupe de mèche comme ça. Bah c'était Marge Simpson, tiens, on parlait de mère tout à l'heure. Hein. Attends, ça peut donner des idées. Hein. Donc ça sèche très très rapidement après l'utilisation, ce qui fait qu'elle s'est retrouvée avec une coupe pas possible. Imaginez les filles, vous êtes dans votre salle de bain là actuellement, ne vous trompez pas, faites gaffe. Et qu'est-ce qu'elle foutait avec de la mousse isolante? C'est ça. Dans ouais, sa salle de bain. Alors là. Elle a peut-être fait des travaux, un ouvrier avait oublié. Peut-être, peut-être. Et attention. Numéro 1. En Côte d'Ivoire, au moment de faire l'amour, une femme a confondu le lubrifiant avec quoi? Je sais pas, un décapant. Elle s'est décapée avant de faire l'amour? Non. Je sais pas, de la crème à raser? Non plus. Un truc horrible. Un truc horrible, de l'eau de Javel? Non, de la Colforte. Ah merde. Alors elle, je sais pas comment elle a fait aussi, hein. Mais elle a confondu le lubrifiant avec de la Colforte. Bon, le problème, vous imaginez? Oui, bah, ah bah oui. C'est resté collé. Ah bah coup. C'est resté collé, le mari ne pouvait plus rentrer à l'intérieur de sa copine. Ah bah c'est bien. Eh bah oui, bah c'est bien, non? Oui quoi, c'est bien, moyen, oui. Parce qu'elle aussi, ouais. Elle a fait un petit tour à l'hôpital, parce que ça peut s'affecter, ça peut faire des réactions terribles. Donc elle va bien aujourd'hui, elle est bon, à l'hôpital, elle s'est faite soigner. Et donc ne confondez pas le lubrifiant avec de la Colforte. Ne confondez pas les gouttes pour les yeux avec de la colle pour les ongles. Et ne confondez pas non plus la mousse à cheveux avec de la mousse isolante. Ouais, mais faut faire attention aussi. J'ai eu des histoires, genre des gamins, tu sais, qui ont bu de l'eau de Javel alors qu'ils croyaient que c'était de l'eau minérale. Oui, alors ça, c'est pas bon. Non, mais dans les placards et tout. C'est pour ça, parce qu'il y a des gens, tu vois, par exemple, l'eau de Javel, ils la mettent dans une bouteille d'eau vide. Oui. Ça, faut pas faire, parce que les gamins, ils savent pas et ils boivent ça, c'est pas bon. Il y a Karim Kim qui a déjà utilisé de la crème à raser au lieu du dentifrice pour se brosser les dents. Ah ouais, ça fait toujours un petit. Ça fait toujours une petite surprise. Ouais, ouais. Bon, bah voilà pour la compile du jour. C'était les confusions qui posent des problèmes. La compile tous les matins, juste avant 9h. Ou aux alentours de 9h, là il est déjà 9h03. Bah faites attention hein. Bah faites attention. Et puis tiens, attention si vous voulez gagner, ne vous trompez pas. C'est au 7-20-20 qu'il faut nous envoyer roulette pour gagner ce matin 10h. Un an d'abonnement à 10h Premium Plus pour fêter l'arrivée de Skyrock sur 10h. Ouais. On vous offre 10h toute la journée dans la roulette. En illimité, sans pub, téléchargement à l'infini. Voilà, musique illimitée, qualité audio de folie. Ça marche sur les tablettes, sur les mobiles, sur les ordi. Vous pouvez télécharger toute votre musique préférée, l'écouter hors connexion et écouter Skyrock à tout moment grâce à votre abonnement Deezer Premium et non Diesel. Ouais, Deezer Premium. On vous offrira des pantalons un autre jour. Hein. Ouais, ouais. Allez, vous nous envoyez vite vos messages 7-20-20, vous envoyez roulette et on fait tourner la roulette ensemble. Et on se retrouve en direct en plus sur Sky. C'est magique, il est 9h. La seule émission qui fait rapper les artistes en direct tous les soirs sur Sky, c'est Planète Rap. Cette semaine, c'est la nouvelle voix féminine du rap game. Je sers de la good vibes à ta génération. Tila te dévoile son univers au micro de Planète Rap. Donne-moi la mèche, passe-moi le micro, pousse-toi, man, tu ne seras pas déçu. 1, 2, 3, test pour le début. 1, 2, 3, 4 pour le déluge. Quand je veux mon flow se déguster. C'est Planète Rap Tila. Tous les soirs, 20h-21h avec Fred sur Skyrock. Écoute, tu seras perché comme Walter White. Et en vidéo live sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Il faut absolument que je change mes essuie-glaces, moi. Qui va me faire ça pour un prix raisonnable? Avec Oscaro.com, achetez vos balais d'essuie-glaces sur Internet. Et après, je fais comment? Il est très simple et très économique de les changer soi-même. Sur Oscaro.com, vous trouvez toutes les références de balais d'essuie-glaces jusqu'à 2 fois moins cher. Je me lance! Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Jiffy fête ses 35 ans et nous fait gagner 35 millions d'euros. Tu télécharges l'appli Bravo Loto 100% gratuite, tu joues et tu gagnes. Je sais, j'ai déjà gagné. Chanceuse. Combien? 250 euros de bon d'achat sans condition. Et il y a aussi le jackpot minimum de 10 000 euros en cash tous les soirs. Jouer en téléchargeant l'appli Bravo Loto 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Jiffy, des idées de génie. Leclerc. Belle maman, c'est la foire au vin Leclerc. Regardez, un AOC Saint-Georges Saint-Émilion Château-Bertin Cuvée Prestige 2014 à 8,30€ la bouteille. Mais non. Et si, c'est l'un des 35 incroyables sélectionnés par un jury d'experts pour le meilleur sommelier du monde 2007. Des vins qui ont l'étoffe des plus grands, mais au meilleur prix. C'est parce que Leclerc sélectionne pour vous les meilleurs vins au meilleur prix qu'à partir du 27 septembre, la bouteille AOC Saint-Georges Saint-Émilion Château-Bertin Cuvée Prestige 2014 de 75 centilitres est à 8,30€. Voir modalité dans les magasins participants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Parce que le créateur de la foire au vin, c'est Leclerc. La Redoute présente la Shopping Week. C'est parti pour une nouvelle saison et ça démarre fort avec moins 40% sur la nouvelle collection. Manteaux, bottines, décors,

Ah, la retourne va retourner. Belle. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, tu prends de l'élan, c'est bien. Stop, on va s'arrêter sur... Allez, allez, allez, un an d'abonnement Deezer Premium Plus, le meilleur abonnement, il est pour toi, c'est gagné, tout gratuit. Yes. Donc en fait, t'as tous les sons que tu veux, tous les sons du monde, gratuits, en illimité, c'est pour toi, un super son. Cool. Et en plus, t'as Skyrock dessus, dis donc. Eh, la folie. Yes, la balle, merci. Et ouais, Skyrock a débarqué sur Deezer et Deezer débarque chez toi pendant un an, Sandra, on va te faire un gros bisou. Ah, super, génial. Et puis tu reviens quand tu veux. Ouais. Ah, y a pas de souci, je reviendrai. Entre 6h et 9h, pas à 10h. Hein. Vas-y, t'inquiète. Reste là, parce qu'à 10h, il y aura Fred, hein. Sur Skyrock. Ah, bah, tu m'étonnes. Eh ben, tu restes avec nous. On te fait un gros bisou, Sandra. Gros bisou à l'équipe. Bisous. Salut. Ciao. Bisous, Sandra. Ciao. Et avant Fred, le Zap du Morning et la roulette retournera avec Fred, justement. Et avec toute l'équipe, hein. Jusqu'à ce soir, jusqu'à la radio libre de ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Oh là. Oh là. Bah, écoutez. Ça s'est passé ce matin. C'est le Zap du Morning sur Skyrock. Le réveil de star de Pascal Le Grand Frère qui va réveiller la famille de Laurent ce matin. On va voir comment ça va se passer. Je m'appelle Pascal. Et alors? Il y a une époque, on m'appelait le Grand Frère. Et alors, qu'est-ce que tu viens m'emmerder là? Là, il faut pas me prendre pour un imbécile. Hein. Et t'as que ça qu'à faire, toi, d'emmerder les gens comme ça au téléphone? Sujet, verbe, complément, c'est ce que ça veut dire? Bon, je vois pas. Non. Pourquoi? Il faut que je te calme alors. Bon, bah, mettons, j'espère que je vais raccrocher. On n'a pas le temps. Hein, parce que là, tu commences à nous péter les couilles. Non, moi, je me casse. Allez, va jouer, espèce de enculé de naissance et de bâtard. Carriole d'un côté, Romano de l'autre. Attention au mytho, fais gaffe. Moi, c'est un avocat italien sur un vol, en fait, Fly Airlines. Emirates Airlines. Pas grave, Carriole, vas-y, continue, vas-y. Et qui attaque en justice sa compagnie, en fait, car il était à côté. Il était assis à côté d'un mec qui n'arrêtait pas de péter tout le trajet. Bon, moi, je dis Romano info parce que j'ai rien compris à la faute Carriole. Donc, je pense que Romano dit vrai. Je sais pas ce que t'en penses. Il y a un mec qui perlait dans l'avion, dont stop à côté d'un type. Le type, il a porté plainte, en fait. On a réuni tous les chercheurs de la Gaulle Compagnie. Ouais, et ce matin, c'est bon, je t'amène ta petite boîte de Viagra. D'accord. Et comme ça, tu prends un petit cachet, t'as la Gaulle toute la journée. Ouais. C'est toi, David? Bah oui, c'est moi, comment tu m'as reconnu? Ah bah, ta voix, tu parles. Ah bah, attends, mais c'est sûr. Mais toi, je t'avais dit qu'il allait nous reconnaître. Ah bah, ça, c'est un genou, il a l'oreille. Ah, tu l'as reconnu. Oh, bah, je reconnais les voix. Eh hein. Bah, attends, t'es bon. Et la fille, tu l'as reconnu? Ah non. Bah alors, Gilou. Oh, je vois pas. Bah, on l'a trouvé sur le trottoir. Bah voilà. Bah, voilà. Bon, allez, je te laisse. Ah, c'est de la bonne. On te lèche aussi. Ah ben, allez, on te lèche très fort, Gilou. Ouais, salut. Bisous. Oui, monsieur Chrétien. C'est Brian. Brian. Oui. Nous sommes en direct à la radio, Brian. Nous sommes réunis ce Skyrock. Jour. Skyrock, je ne sais pas, je vais d'abord te poser la question. Skyrock, je dirais. Frère Brian, attendez donc la question. Quelle est ta radio préférée, Brian? Skyrock. Bravo. Bravo, c'est comme ça qu'on va gagner. Bravo, comme le dirait Bravo, Manon. Bravo. Brian, tu viens de gagner 1500 euros. Oh, ça gère. Je vais te demander, Eva, quelle est ta radio préférée? Parce qu'on est en direct à la radio pour t'offrir 1500 euros. On t'a tiré au sort. Si t'as la bonne, tu gagnes 1500 euros, Eva. Ah, sérieux? Je suis en train d'halluciner, là. C'est Skyrock? Ben oui, Eva. Bravo, Eva. C'est gagné. Je le sens. Et je le sentais à ta voix, Eva. T'as gagné 1500 euros. Bien joué. Oh putain, c'est un truc de fou. Ah ouais, un truc de fou le morning. On a offert vos téléphones, les iPhone 7. Il y en aura encore plein à gagner demain matin dans le morning. Vos PS4 également à choper. Ouais. Ouais, des cadeaux dans tous les sens. Et surtout, on s'est bien marré ce matin. Ouais. Venez faire les comptes dès le réveil, dès 6h. On est là d'attaque sur Skyrock. Vous attaquez la journée avec nous. Brian de Saint-Etienne a gagné 1500 euros et Eva de Brest aussi. Bravo Saint-Etienne, bravo Brest. Et notre Tour de France continue tous les matins dans le morning. On vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée. Vous répondez Skyrock. Skyrock. Et c'est dans la poche. Et sinon, bah, profitez de cette journée pour vous inscrire au 720. Vous envoyez 1500 au 720 si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Et demain matin, on vous appelle. Et d'ailleurs, ce matin, Brian, lui, s'était inscrit au 720. Ouais. Et il a gagné ses 1500 euros parce qu'il a répondu Skyrock, c'est bien. Mm-hmm. Bon, Fred sur Skyrock aussi, c'est bien, c'est même très bien tous les matins. Salut Fredo. Je suis là, comment ça va? Bien. Écoute, plutôt ça bien. Va bien. Tout le monde est en forme le week-end, bien passé. Le week-end s'est super bien passé, on est arrivé ce matin dans une forme exceptionnelle. Des nouvelles de Cédric. Ce soir, il sera là avec nous en direct, Cédric. Parfait. Donc il revient ce soir. Ne loupez pas le rendez-vous, hein. Ça dès 21h. Donnez-lui un bain quand même ce soir, un truc. Hein. Ah bah, j'espère qu'il va le faire avant de venir parce que c'est pas moi qui vais le laver. Hein. Mais non, il se lave à la lingette. Oh là là. Ouh là là, comme tu dis, frère. Tiens, il soulève le bras et il se passe une lingette. Donc ce soir, une émission à haut risque entre 21h et minuit. Moi, je crois que je vais évacuer tôt. Hein. C'est à pas louper. Tu seras là juste avant, Fredo. Juste avant, ouais. Donc tu vas y avoir droit comme tout le monde. C'est sympa. Planète Rap, d'ailleurs, ce soir, 20h-21h, c'est avec. C'est une jeune fille qui vient de Lyon. Elle s'appelle Sheila et on la découvrira tous les soirs entre 20 et 21. Une lyonnaise à découvrir entre 20 et 21. La radio libre des 21h. Et demain matin, entre 6h et 9h, le morning. On vous embrasse tous et toutes. Merci pour cette matinée. Et à ce soir. Et à tout à l'heure, 21h. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Salut. À toutes. C'est parti pour le son de Skyrock. Bonne matinée, bienvenue à vous tous. C'est bon lundi, j'espère que le week-end a été bon. Tout à l'heure, on fera encore tourner la roulette. On le disait avec Diffoul, il faut envoyer roulette au 7-20-20. Il y a pour vous un an d'abonnement illimité à 10h. Un an d'abonnement de musique illimitée de son de Skyrock aussi qu'on peut retrouver sur 10h. J'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure. Et là, c'est Designer avec Panda sur Skyrock. I got broads in Atlanta, just a Dolby in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, way and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the helmets, legacies, family, way and see, family, pocket swoop, Danny, selling ball, candy, man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted, in the bullet of your panda, killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted to be in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, way is it, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacy, family, way is it, family, package for Danny, selling ball, candy, may not the macho like Randy, the chopper go out for granted, then they pull up your panda, hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I got broads in Atlanta. Twisted to lean and shoot. Sipping Fanta. Credit cards in the scammers. Wake up beside you. Let it sound. Over to Lattice shoot. They be anti red time. I'll be clapping shoot. I be pulling my stuff in the Fanta shoot. I got plenty just stuff in Bugatti. But look how I try to shoot. Legacies. Fanta. Why is he killing no comma? Pop a perk, I got sign a gorilla. They come and kill you with bananas. For fillers, I feel it. Pull up in the fan. No niggas, they come and kill you on the comma. But Broly is dancing bigger than the pound. Go out to the Grammy. But pull up your pound and fill up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas that's counting for digits. Say you make you a lot of new money. No killers, pull up in the inner baby. CTDD, pull up in the killer baby. Call a filler, fill up, gon' fill it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah, shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spin it. Bobby, you trending. Chapter Dawn, doing business. And the brave doing the pool and the doing the penny. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are pretty. Panda. Panda, panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just a Dolby in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the band, legacies, family, way and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the helmets, legacies, family, way and see, panda, package swap, Danny, selling ball, candy, been on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy, been the bullet you banned, hope killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted to be in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, way is it, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the hands, legacies, family, way is it, panda, package swap, Danny, selling ball, candy, been on the macho like Randy, the chopper go out for Grammy. Then they can pull up your banner. Hope the killers understand me. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Bougez pas, retour du son tout de suite sur Skyrock. Ce sera avec Travis Scott, Young Thug sur le morceau. Ça s'appelle Pick Up The Phone, ça arrive tout de suite. Black M, je suis chez moi aussi, juste après. Tous les matins, réveille-toi avec Skyrock. Diffoul t'offre les cadeaux qui te déchirent. Des PS4, FIFA 17, des iPhone 7.